Est-ce que ça marche? La Caradoc est là. La Caradoc est là. Nous sommes logiquement en direct de la Caradoc à la Grand Fond, avec certainement un petit décalage. Avons-nous un petit décalage, Céline? Oui. Que nous dit la FM? Elle nous dit que ça y est, nous y sommes. Nous y sommes. Bon. Jingle? Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit jingle? On y va, on y va. Allez, c'est parti. Écoutez, à midi. Quelle heure est-il? Il est midi. C'est l'heure du déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Des saucisses. À midi. À midi. Quelle heure est-il? Entre midi et 13h. Plutôt 13h-14h. 13h-14h. Ah bon, notre émission? Ouais. Ah ouais. Alors aujourd'hui, dans la Caradoc, on est avec Francis Filbert qui va nous parler de qui va nous parler du Conseil citoyen. Ensuite, on va préparer une soupe à l'oignon tout ensemble. Non, on l'a préparé hier et on a fait un rap à partir de ça. Et pourquoi? Parce que notre thème c'est parce que notre thème aujourd'hui, on mange tous ensemble. On partage des recettes et on vient manger de la soupe à l'oignon du coup dans la Caradoc et donc on a demandé à des gens aussi quelles étaient leurs recettes préférées et qu'est-ce qu'ils aimaient préparer et voilà et après on est parti en délire sur des œufs en préparant la soupe à l'oignon puis des poules et donc on va entendre tout ça. Et on va aussi aller à l'épicerie sociale qui était à la Grand Fond, qui était aux cages hier. Et on va finir par les jardins partagés et un petit jeu. Voilà. Donc je te laisse le micro, Céline, pour continuer sur la rénovation urbaine. C'est l'émission d'hier. Pour continuer sur la rénovation urbaine, l'émission qu'on a faite hier. Et donc on a aujourd'hui un membre du conseil citoyen, donc Francis. Donc juste pour resituer, c'était hier en fait, on a parlé donc un petit peu du projet de rénovation sur le quartier et s'est posé la question en fait de la concertation des habitants, savoir un petit peu comment les habitants pouvaient être associés ou pas, s'ils étaient associés ou pas pour l'instant à ce projet de réhabilitation. Et donc on nous a dit qu'effectivement il y avait un conseil citoyen qui était quand même assez dynamique, qui avait lancé en fait une opération des questionnaires et à peu près sur 3000 personnes qui habitent dans le quartier. Et il y a eu des retours, environ 300 retours. Donc Francis, qui fait partie du Conseil citoyen, va peut-être, peut-être que tu peux nous en parler et nous dire déjà pour commencer quel est le rôle du Conseil citoyen dans ce projet de réhabilitation. Oui, donc Francis Filbert, moi je suis simplement plus près. Je fais partie du Conseil citoyen, donc qui est constitué de représentants d'habitants du quartier, mais aussi des acteurs locaux. C'est-à-dire, par exemple, les professionnels du CAGE, du CHA. CHA, c'est quoi? C'est le club de musculation haltérophilie sur la Grand Fond. Et donc on est, on va dire, une vingtaine de membres. Alors ça tourne, parce que c'est des projets sur le temps long. On est quand même sur des projets à 8-10 ans. Donc forcément, la population se renouvelle. Et ce conseil citoyen est complètement ouvert aux habitants. Et en fait, c'est à eux de se l'approprier, de le faire vivre. D'être une interface entre les politiques, les techniciens, pour faire valoir leurs envies, la façon dont ils veulent vivre demain dans ce quartier, et puis être représentatif des habitants et de leurs attentes et des acteurs locaux, de sorte il n'y en a plus beaucoup, on voit bien qu'il n'y a plus grande activité sur le quartier, mais au moins essayer de les faire revenir par l'économie locale ou solidaire sur le quartier. Voilà, donc c'est une belle aventure, c'est une belle aventure parce que on prend son élan de loin, Là, les choses commencent à se formaliser parce que les collectivités ont affiché des axes d'intervention sur le quartier. Alors, moi, je parle pas trop de rénovation, je parle plutôt de renouvellement, de renaissance, de réveil. Hein. C'est un très beau quartier, c'est encore un très beau quartier avec des qualités urbaines. C'est comme un grand parc planté. Alors, certes, avec beaucoup de difficultés, hein, ça grimpe, ça, c'est pas facile. Il y a des trottoirs peut-être même dangereux à certains endroits. Mais c'est un quartier qui a des atouts. Il est très bien placé, près de la gare, près de Victor Hugo, près de la Madeleine. On parle pas de quartiers qui sont relégués souvent, comme ces quartiers populaires, en périphérie des villes. Et donc, on est tous là à se dire, ben, il faut lui donner sa chance à ce quartier-là. Il y a des équipements qui sont vétustes, il y a des populations qui se sont très paupérisées. Il y a des logements qui sont maintenant dépassés par rapport à nos façons de vivre. Donc, comment on peut donner un grand coup là-dedans? Donc, la mairie d'Angoulême s'est énormément investie et a réussi à obtenir du niveau national une enveloppe de 60 millions d'euros. Donc, bon, 60 millions d'euros, on va commencer à pouvoir faire quelque chose sur ce quartier. Moi, je signale juste que sur l'agglo, finalement, ma campagne, le champ de manœuvre ou Basso ont fait l'objet de programmes très intenses. Et ben, aujourd'hui, il reste Bel Air-la-Grand-Fonds, un peu la Cendrillon du système, et pour lesquels on a bien l'intention de se réveiller et de faire quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qui est important à faire d'après vous, enfin, pour le conseil, est-ce qu'il y a des axes qui se... Ben, le premier axe, c'est déjà, c'est peut-être en dehors même de tous les programmes des architectes, des ingénieurs, etc. C'est déjà mobiliser les habitants. Oui. Alors, autour... est-ce qu'ils sont mobilisés? Est-ce que vous arrivez, les habitants, bon, moi, je l'ai évoqué, c'est un petit peu toutes sortes de personnes, mais il y a quand même une grande pauvreté. Donc, c'est des personnes qui sont déjà confrontées à leur quotidien, hein, de l'immédiateté. Donc, s'inscrire dans des projets à long terme, voire à moyen terme, quand il faut au quotidien faire la soupe, c'est pas toujours évident. Donc c'est comment on arrive à les approcher par rapport à des choses qui les préoccupent. Comment amener les enfants à l'école sans se faire écraser, comment avoir un environnement à peu près propre avec des arbres qui donnent envie de sortir, des bancs de s'asseoir, des jeux pour les enfants qui ne soient pas crottés par les chiens dans tous les sens, des logements où on peut vivre sa vie sans entendre sans cesse le voisin. Donc c'est déjà comment on touche des habitants dans leurs préoccupations élémentaires. Après, bien sûr, on peut aller plus loin, hein. On peut se dire, il faut un mieux vivre, une coulée verte qui traverse ce quartier, des équipements beaucoup plus efficaces et récents. Mais ce qu'on a observé du retour des habitants, c'est déjà des choses un peu basiques. Hein. Par exemple, l'école, pour eux, est certainement très vétuste et mérite d'être rénovée. Mais les habitants n'ont pas demandé forcément une nouvelle école regroupant tout. Après, voilà, il y a des visions à plus long terme, notamment des forces publiques, hein, des politiques qui, pour des questions de gestion, d'équipement, de performance pédagogique, de positionnement dans la ville par rapport à la grève sur d'autres quartiers, vont faire des choix qui, à ce moment-là, nécessite d'être aussi débattu avec les habitants. Mais voilà, comment faire venir les habitants sur des débats aussi, qui sortent de leur quotidien de vie immédiat, c'est un peu tout le challenge du Conseil citoyen. Ok, parce que là, du coup, j'ai l'impression que dans les questionnaires, ce qui est peut-être plus remonté, c'est des choses justement sur le cadre de vie et sur... sur voilà des, comme vous dites, ces préoccupations, enfin vraiment des choses basiques quoi, mais oui, du coup qu'il y a, ouais. Que vous peut-être votre rôle c'est ça, c'est aussi de faire bien sûr le cadre de vie ici, on est des habitants qui voulons vivre dans la ville comme les autres, avec une maison comme les autres, enfin c'est très simple, chacun revendique une certaine qualité de vie par rapport à le logement dans lequel il vit et puis son espace extérieur. On est tous sensibles à ça. Et ce qu'on veut, c'est bon, qu'on soit au minimum servi. On fait partie de la ville. On paye nos impôts. Donc, on est aussi en droit d'avoir un accès à la ville et à des logements comme les autres habitants de la ville. Voilà, c'est assez simple. Le renouvellement d'un quartier, bien sûr, ça renvoie à des choses beaucoup plus complexes qui sont... quels sont les ingrédients un peu structurants qu'on va mettre dedans pour que les gens aient envie de venir dans ce quartier, d'y habiter, d'y circuler, de s'y implanter. Ouais. Et là, on rentre sur des projets qui sont beaucoup plus lourds, qui nécessitent débat et une acceptation, on va dire, de la part des habitants. Parce ouais. que derrière, bah, c'est eux qui vont y vivre. Et si ces projets tombent du ciel, sont rapportés, forcément, il y a un problème de plus de rejet de ces équipements. Ok. Yes. Ok. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les gens veulent... Il n'y a pas d'envie de venir s'installer ici ? Vous avez cette sensation ? Je ne sais pas, je vous pose la question. Vous avez envie de... On peut poser la question. Je vois qu'il y a deux petits jeunes là, ouais. qui sont venus. On peut peut-être vous poser la question. Vous avez envie de rester vivre ici, vous ? Ça vous plaît, le quartier ? Franchement, oui. Ah, on va passer les micros. Ils y sont déjà. Franchement, oui. Nous, on vient d'emménager ici au mois de septembre et sincèrement, ça nous plaît. Vraiment, c'est une ville... Il y a beaucoup d'animation. C'est beaucoup tourné autour de la BD, du cinéma, tout ça, et ça nous plaît beaucoup. Moi, personnellement, je suis au lycée Lisa. Du son et l'image et c'est aussi beaucoup tourné sur tout ce qui est son et image, tout ça, et personnellement ça nous plaît vraiment. Et toi? Ouais, ça me plaît. Et pourquoi ça te plaît, toi? Parce que j'aime bien lire et ce que je voudrais faire serait dessinateur de BD ou quelque chose comme ça. Ah, et donc t'es bien tombé, quoi. Oui. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions pour vous. Vous êtes arrivé depuis quand dans le quartier, là ? Septembre. Depuis septembre. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Et vous êtes allé un peu sur le festival, du coup ? Moi, personnellement, avec les cours, j'ai pas le temps d'y aller, mais je pense que mon frère va y aller avec ma mère. Demain. Demain. Il y a des endroits dans le quartier que vous aimez bien, en particulier, que vous pourriez nous décrire ? Je sais pas, un petit endroit dans le quartier que vous aimez bien, ou sur une balade, quelque chose, un trajet quotidien, quelque chose qui vous... Non. Si t'as une image dans la tête, si tu pensais à une image que t'as dans la tête du quartier, qu'est-ce qui te vient immédiatement ? Je sais pas si c'est dans le quartier, ouais. Mais vous voyez, il y a une grande route, je crois que ça s'appelle la route de la République, un truc comme ça, non ? Il y a une grande route, et au-dessus, en fait, il y a des maisons, et il y a des bancs et des arbres. J'aime bien marcher là. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Mais après, j'ai pas trop le temps d'aller dehors. Enfin, parce que je suis en terminale, du coup, je passe mes journées à la maison en train de travailler. Donc, je suis désolée. Et toi, il y a quelque chose que t'aimes bien ? Ouais, c'est en revenant de l'école avec mon ami. On discute bien. Et même des fois, sur le chemin, on s'amuse tous les deux. Il y a plein de trucs. Et toi, t'es à quelle école alors ? T'es à quelle école, toi ? Marguerite de Valois. Et alors, ça se trouve où dans la ville ? Ah, ça, je sais pas. C'est juste derrière. La question piège. C'est derrière. Oui, oui. Oui. C'est à la gauche. Je sais pas, en fait. Je connais pas les noms. Comment tu vas ? Tu connais pas encore les noms, ouais. Comment il y va ? Comment tu vas ? Tu vas à pied ? Tu vas en bus ? J'y vais à pied avec mon voisin, qui est aussi un sixième. En pédibus. On est dans la même classe. Mais pour y aller, rêver. Et combien de temps tu mets à peu près pour y arriver ? 10 minutes. 10 minutes à pied ? En fait, tu montes toute la côte, c'est ça ? Oui. T'es en bas ? Je sais pas comment dire, mais Je commence à descendre et après je remonte. L'histoire d'Angoulême. Ah oui, c'est ça. C'est un pays de chèvres en fait. Ah, vas-y, parle-nous des pentes. Ah bah, Angoulême, alors je vais pas vous mentir que quand je suis arrivée ici, j'étais essoufflée. Moi j'ai pas l'habitude. Là où j'habitais, c'était tout plat. Ici, ça fait que de monter, descendre. Ah non, c'est. Et t'as essayé de le faire en vélo? Non. C'est bien pour les mollets. Non, j'ai jamais essayé de faire un vélo. J'ai pas envie, je crois que je vais me casser là. Je vais me casser, c'est sûr. Bah moi hier j'ai fait de la trottinette avec un de mes autres potes et je me suis un peu fait mal. Je suis tombée. Je me suis croûtée. Tu m'as pas raconté. Bon bah merci à tous les deux. En tout cas, merci à Francis. Ouais, merci. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, n'hésitez sûr, pas. Bien sûr. Oui, moi je veux juste rajouter un mot sur le programme sur les logements, hein, puisqu'il y a 200 logements qui sont prévus d'être démolis et 400 qui sont prévus d'être réhabilités. Donc ce qui veut dire pour les habitants de Bel Air Grand Fonds, c'est quand même un gros branle-bas de combat. Certes, les organismes HLM vont être là pour accompagner chaque famille dans le cadre des questionnements autour de ces réhabilitations ou de ces démolitions, de ces relogements également. Donc là, pour les habitants, c'est quand même un moment très important parce que beaucoup sont attachés à ce quartier. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais partir? Qu'est-ce qu'on va me donner? Et donc, à travers le Conseil citoyen, c'est aussi un lieu où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent venir parler de toutes ces questions, puisque c'est quand même un lieu récapitulateur des attentes des habitants et des acteurs locaux, et que nous avons notre place autour de la table avec Madame la Préfète ou les collectivités de la ville, de l'agglo, du département. Donc, vous avez des permanences pour ça, enfin, vous... Oui, ben, ouais. notre permanence, c'est un peu le QG, c'est le CAGE, hein, ouais. Où on espère demain faire la maison du renouvellement du quartier, ouais. Qui soit le lieu où les habitants puissent venir et parler tranquillement de leur problématique. Voilà. Bah merci beaucoup, en tout cas, d'être venu conclure l'émission d'hier, du coup, où il y avait Manu qui a ramené le cognac. Un bout de tarte à manger. Merci beaucoup. Un bol de soupe aussi, on a ça, si vous voulez. Voilà, oui. Parce que l'idée, ouais. C'est vraiment de faire un repas tous ensemble. Ouais. On a Nico qui est arrivé. Il y a une petite dame qui a apporté quelque chose. Alors, on passe au chef. Ouais, il est le chef, il est là. Le micro, il était là. Il est là. Attention, on récupère Nausicaa dehors avec une petite dame qui a ramené à manger. Le bouton rouge. On va la laisser rentrer. Allô. On m'entend. Ouais, c'est bon. Alors, vous m'entendez? Oui, Nausicaa, on t'entend. Alors bonjour. Donc bienvenue à la Grand Fond. On vous propose un petit repas partagé. Merci beaucoup d'avoir amené quelque chose. Fatema. D'accord. Et qu'est-ce que vous nous avez préparé alors? Donc c'est un pain maison avec une soupe algérienne. Ça c'est bon, ça, on est content. Et il y a quoi? Merci, hein. Ça c'est trop bien. Et vermicelle. Waouh. Est-ce que vous avez le temps de vous asseoir un peu avec nous pour participer à l'émission? Désolée parce que j'ai la mise en console. Je prépare mon fils élevant au foot. J'ai la stresse en console. Je rentre maintenant. D'accord. Ben, on garde votre plat et si vous avez l'occasion de venir après, oui. On garde le plat, ça c'est clair. Oui, bien sûr, je reviens. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bon ben, je trouve que c'est une plutôt belle transition pour passer à notre thème du jour qui est la nourriture. On remercie Clara et... Virgile. Et Virgile d'être venus nous rejoindre dans la Caradoc. Qu'est-ce que vous avez amené, Clara et Virgile? De la honte, beaucoup de honte. Non, ça se mange pas, ça. Ça ne se mange pas. Bon, bah on lance un petit jingle quand même. Caradoc. La Caradoc! Radio Adoc 101.1. Bonjour. Donc voilà, notre petit thème du jour. On a un peu merdé sur la technique, mais c'est pas grave. Pour peaufiner les transitions. Ouais, il y a un petit souci avec VLC, je crois que je n'ai pas la main. Donc voilà, nous on a préparé des PAD, en tout cas hier on a rencontré des gens parce que tout le monde ne pouvait pas venir. Donc on a été faire du porte-à-porte pour savoir ce que les gens mangeaient dans le quartier et si on pouvait avoir une recette. Donc là, je peux vous en passer quelques-uns si ça vous intéresse. Oh oui, oui, oui. Merci, merci. On a faim. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Hakim Benotsman. Je suis au cage de la Grand Fond depuis maintenant plus de 3 ans. J'ai commencé animateur primaire. Là, ça fait la deuxième année que je suis sur le secteur ado. Sur le secteur 12-17, plus particulièrement les 14-17, je les accompagne dans la création de projets, que ce soit culturels ou de vacances ou des projets musicaux. Sur n'importe quel projet, je les accompagne dans la construction, en fait. C'est mon rôle. Ok. Et alors, est-ce que tu viens d'un pays en particulier ou est-ce que tu es né ici ? Je suis né en France, je suis né dans le quartier même. Et tes origines ? Ma mère est algérienne. Ma mère est algérienne. Ok. Et c'est quoi ton plat préféré ? Mon plat préféré ? Je suis bon mangeur, j'ai beaucoup de plats préférés. J'ai pas spécialement de plat préféré. Une recette particulière, un truc que tu pourrais nous décrire ? Là tout de suite, pas de plat préféré, mais là tout de suite j'ai envie de pâte au poulet. Voilà, alors la recette des pâtes au poulet, on t'écoute. La recette des pâtes au poulet. Comment tu les fais, toi, les pâtes au poulet ? Les pâtes au poulet, donc on met de l'eau à bouillir, un petit cube or pour ceux qui aiment bien le goût. On coupe le poulet en petits cubes, on fait revenir la crème fraîche avec des oignons et des champignons, et après les épices selon les goûts. Et est-ce qu'on... Vas-y Nausicaa, demande. Alors, c'est quoi votre plat préféré à vous, qui êtes venu participer à l'émission? Elle est où? Alors moi, personnellement, j'ai pas de plat préféré, mais là, ce qui me viendrait tout de suite, je dirais pizza, couscous ou tagine. Et la soupe algérienne, là, t'as pas envie? Ça te dit pas, là? La soupe algérienne? Sincèrement, c'est... Enfin, j'en suis sûre qu'elle doit être super bonne, mais c'est pas une de mes préférées. J'en ai tellement mangé dans ma vie, donc... Non, c'est pas une de mes préférées. Et tu nous ferais la recette de la pizza, là? Vite fait. Alors moi et la cuisine, c'est la catastrophe. Déjà, juste des pâtes, je sais même pas les faire. Donc, Mais il nous a expliqué, tu fais bouillir de l'eau. Un petit bouillon de cube. Bah, vous faites la pâte à pizza comme vous voulez. Vous mettez de la sauce tomate. Comme vous voulez. C'est ça. Après, je sais pas. Je crois qu'il y a du jambon, non? Ou des merguez. Ah oh non, des merguez. Du chorizo. Et bah c'est tout, je crois. Enfin, je sais pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais. Et toi, est-ce que t'as un plat préféré? Oui. C'est quoi? Les sushis. Ah, alors là, la recette, alors, je pense qu'elle est encore plus compliquée. Alors, je laisserai bien ta sœur nous expliquer la recette des sushis, histoire de l'avoir galéré. Avec des merguez. Tu la connais, toi, peut-être? Je connais pas trop, c'est juste que ma mère elle a fait coller le riz et j'ai mis juste une tranche de saumon dessus. Bravo. Et c'est la merveille pour moi. C'est très varié, hein, les goûts de culinaires de ce quartier. Merci. Merci à vous. Et puis nous, en tout cas, du coup, on poursuit avec notre petite déambulation. Donc, on s'est pointé dans un immeuble. L'immeuble, alors, je sais plus comment il s'appelle. C'est l'immeuble Églantine. Églantine, voilà. Ouais. Où on a vu une petite dame au rez-de-chaussée. On cherchait William. On cherchait William, qu'on n'a pas trouvé, évidemment. Donc, William, si tu nous entends, viens nous voir. On t'attend à la caravane. Et donc, la petite dame qui avait la fenêtre ouverte, on lui a demandé où était William. Même si elle ne le savait pas, elle nous a invité à rentrer dans sa cuisine pour qu'on voit ce qu'elle mangeait et ce qu'elle faisait à manger, surtout. Et est-ce qu'on peut vous poser quelques questions sur la nourriture, là ? Ici. Oui, ça vous embête pas ? À travers la fenêtre, c'est sympa. D'abord, votre prénom ? Anne. Anne ? Oui. Ouais. Enchantée, moi c'est Marie. Moi c'est Céline. Enchantée. Est-ce que vous êtes née en France ou vous avez des origines particulières ? Non, moi je suis congolaise. Vous êtes congolaise ? Oui. Et est-ce que vous avez un plat préféré ? Oui. Alors, c'est quoi ce plat ? Moi, j'aime bien du foumbois. Alors, qu'est-ce que c'est? On peut dire comme les légumes. Hein. Avec du pondou. Avec du quoi? Pondou, saka-saka. Qu'est-ce que c'est ça, pondou, saka-saka? Saka-saka, c'est le même pondou. Chez nous, on dit pondou, mais ici, on dit saka-saka. Donc, c'est lui qui connaît ça. On connaît ça dans le nom de saka-saka. Ouais. Et alors, c'est quoi la recette? Comment vous préparez ce plat-là? C'est un peu compliqué. Pour vraiment détailler comme ça, un peu dur. C'est pas facile ? Bon, oui, un peu. Je sais pas, on fait cuire les légumes, après il y a des épices particulières ? Il y en a beaucoup de trucs qu'il faut mettre là-dedans. D'accord, il y a des courgettes, des aubergines? Oui. Oui. Il y en a des aubergines. Oui. Oui, du poivron, je mets là dedans. De la, c'est avec une viande ou c'est avec du poisson? Comme du poisson, je vais mettre du poisson là dedans. Ouais. Ok, super. Et il y a des épices? Oui, oui, oui. Quoi comme épices? Et l'oignon, et l'ail. C'est ça que je mets avec les poivrons, là, je mets tout là, tout là dedans. Et vous les faites fondre avant de les mettre avec d'autres légumes? Donc, chez nous, normalement, quand on fait ça, donc on met, on pisse ça. Mais bon, comme ici, bon, j'ai mis ça dans... quoi? C'est ça que je fais aussi, hein. Ah, vous faites ça, là? Oui, oui. Vous le faites actuellement? Oui. D'accord. Si vous voulez voir. Ah, ah ben ouais, oui, avec plaisir. Merci, on rentre. On va apprendre à cuisiner congolais ce soir. Ça sent bon. Merci. Ah, ça sent trop bon. Ah ouais, ça sent bon. Alors là, il y a des brocolis. Oui. Non, c'est du chou peut-être. Non, non, non, ça c'est aubergine. C'est des aubergines justement. Oui, oui. Donc c'est ça qu'on veut trouver là dedans. Donc. D'accord. Donc c'est quoi le vert? Mais bonjour. C'est ça le produit. Le vert, comme j'ai mis un poivron. Oui. Le poivron. J'ai mis des, comme des poissons. Et c'est quoi comme poisson? Des poissons fumés chez nous. Les poissons fumés, ouais. Les poissons fumés, c'est bon. Là, ouais. On met là dedans. Mais comme ici, un peu difficile, donc on met seulement que les poissons, tous les poissons que j'ai. Ce que vous trouvez, ouais. Oui, oui, oui. Mais pas tout, hein. Mais là, bon, il y en a des poissons nous, qui prennent souvent ici à l'association des moutons. Je ne sais pas comment on fait des poissons ici, ça. Du cabillaud? Je ne sais pas si c'est du cabillaud, ça. Ah, c'est du merlu. Ouais, c'est du merlu. C'est ça. Ça, c'est bon. C'est ça que je vais mettre là-dedans. D'accord. Oui. Donc ça, vous le faites revenir un peu dans l'huile? Oui, après je mets l'huile là-dedans. Et après vous mettez directement dedans? Oui, je vais mettre dedans, après je mets... Oui. D'accord. Ouais. Chez nous, donc je mets un peu d'huile. D'huile, avec, nous avons l'huile là, l'huile des palmes. Et il y a une sauce particulière que vous préparez avec? Mais ça, il y en a dans... Là-dedans, de il y a de l'eau et du coup ça il fait y en a la de sauce. L'eau, oui, oui, oui. Ça va faire des sauces. Après tout, donc comme je vais manger ça comme avec... comme les poissons aussi à côté, ouais. Ou comme tout, donc, ou de la viande, donc, d'accord. À côté, oui. Ok. Et donc, tous les soirs, vous faites la cuisine aussi comme bien je veux dire, vous prenez le temps de faire autant de cuisine tous les soirs? Bon, pas tout le temps, les Congolais, hein, vous êtes Congolais, ça coûte cher, hein. Oui. Vous avez du mal à trouver les produits, ou... Bon, pas mal mais du tout, mais ça coûte cher, bon, comme il n'y a pas vraiment beaucoup de sous, il faut gérer quand même. Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, tantôt les blancs, tantôt les Congolais. Ok, d'accord. Et là, du coup, c'est pour combien de personnes? Vous nourrissez toute votre famille? Oui. Oui, ouais. J'ai trois enfants, mais c'est beaucoup. Là, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Parce qu'on a quand même une grosse famille. Oui, oui. Ok. Donc, si je fais comme ça, donc je vais garder un peu. D'accord, comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire voilà, un manger. Voilà, c'est comme ça. Ok. C'est super. Donc, on va manger ça avec du riz. Ça pique un peu? C'est pimenté? Non, ou... non, non, non. Bah, bon appétit. Ah, merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Alors là, je suis assez curieuse de voir le prochain PAD. Alors, je sais pas qui l'a fait. Hachis parmentier canard. Alors, en fait, c'est des personnes qui étaient au cage que j'ai rencontré, qui étaient en train de faire de la tapisserie, de refaire des sièges dans l'atelier, là où il y a la salle des jeunes. Et voilà, ils m'ont parlé de leur recette préférée. Et tu peux mettre les deux trucs à la suite, hachis parmentier et... Ah, je les ai séparés, moi. Et jambon charenté. Ouais, jambon charenté. Ok, ça s'annonce bien. On balance les deux. Est-ce que vous pourriez me donner des recettes qui... Vos recettes préférées? Hachis parmentier de canard. Moi, j'aime bien faire ça. Vous aimez bien le faire? Oui. Et le manger, j'imagine. Ouais. Et comment ça se fait? Bah, il faut mettre du confit de canard émietté. Émietté, ouais, avec un peu d'échalote là qu'on a fait revenir à la poêle. Et une bonne purée à la maison. Et une julienne de légumes. Et on fait les couches. Ah ouais, moi j'aime bien mélanger avec. Il faut mettre une julienne de légumes, aussi, c'est super bon. Parce que avec rajouter la pomme de terre, qu'est-ce des que... légumes, par exemple, des légumes anciens. Du panais, ça donne du un petit panais, ou alors c'est quoi ce légume que j'aime bien, moi topinambour, j'aime bien. Non, c'est bon, ça le goût d'artichaut. J'ai une recette qui date de quand j'étais jeune homme, donc il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. C'est une recette de, qu'on appelait ça le jambon à la charentaise. Alors ? C'est du jambon de pays, une petite tranche de à peu près 8 mm, pas fine, hein. Épaisse. Jambon de pays, quoi. Ouais. On met ça sur un lit d'échalote qui est fricasse dans une poêle, et on met du vinaigre. On fait revenir tout ça, et ça, dans les sucs, ça cuit, ça bouillonne. Et ça donne un truc très goûteux. C'est pas du jambon, c'est pas salé comme du jambon de pays passé à la poêle, c'est pas salé, c'est déglacé avec du vinaigre. D'accord. Et c'est accompagné avec quel légume ? Ce qu'on fait. Ce qu'on veut. Une patate, la mochette, la charbonne. C'est un plat de votre enfance ? Comment ? C'est un plat de votre enfance, c'est ça ? C'est une création ? Je suis pas compétent, mais c'est chez moi, c'était... Parce qu'autrefois, on mangeait du charbon dans les campagnes. Donc, les cuisines d'autrefois, c'était des cuisines qui étaient avec les produits de... Le jambon à poêle, voire même du jardin. Le jambon à poêle, du jardin, et du vinaigre. Enfin là, c'est un cochon... Jamais. Il n'a jamais refait. Alors voilà, après le jambon charentais, nous avons Jess, Nico et Hugo qui nous ont rejoints dans la Caradoc. Vous avez une recette à partager ? Oui. Moi en fait j'ai découvert la tartiflette il n'y a pas si longtemps. Ça me touche. Ouais. C'est ma tartiflette. Et c'est Marie qui l'avait préparée et je crois que je suis tombé amoureux de ce plat en fait. Merci. Et donne la recette. Alors, la recette de la tartiflette. On met de l'huile dans une sauteuse, on fait revenir des oignons, on fait cramer des lardons, on coupe des patates, on met les patates avec les lardons et on met un énorme reblochon dessus et on laisse fondre pendant une heure. Et il faut préparer 2 heures de sieste après, à peu près, après ouais. Avoir mangé. Ouais. À peu près, ouais. Merci Hugo. Là on est en train de peut-être de chercher un petit son, je sais pas si ça va marcher ou pas, mais j'ai appelé ma mère hier matin. Super. Pour lui dire putain, on a du pain qui traîne, du pain sec, du pain rassis, et elle fait un pudding. Moi j'appelle ça un pudding, alors je connais pas exactement la recette du pudding, j'en ai ramené là d'ailleurs ce matin. Ouais, merci. Alors peut-être qu'on va pouvoir avoir la recette ou peut-être ce coup de téléphone. Après je sais pas s'il y a beaucoup de PAD, s'il y a le temps ou pas, quoi. Faudrait brancher peut-être ça. Alors le pudding vient d'arriver dans la caravane. Comme ça on aura la recette et un petit coup de fil du matin. C'était hier matin. Et j'ai réalisé mon premier pudding en fait, qui est plus ou moins raté, je dois le dire. Du coup, c'est toi qui l'as fait, celui-là ? Oui, celui-là, c'est... toi qui l'as fait ? Ouais, c'est ça. Ça va, il a l'air pas mal, non ? Vous voulez bien le décrire ? Un peu trop cuit, je dirais. Il est un peu rustique, je dirais. Juste rapport à la couleur dessus. Un peu marron foncé, mais ça m'a l'air délicieux, quoi. Ouais, on dirait qu'il y a des cerises. Non, il n'y a pas de cerises. Non, c'est des raisins secs, le secret de... Du pudding de maman ? Ouais, d'accord. Exactement. Ça ressemble à un clafoutis, ouais, exact. C'est vrai. Bon, en tout cas, moi, je suis prête à lancer le PAD Maman Pudding. Moi, je suis prête à le manger. C'est parti. Ah, ça ne marche pas. Non. Non, ça ne module pas. Ce sont les micros qui modulent. On n'aura pas le maman pudding. Non. On le veut. Oui, mettez-le sur un micro. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Non, faut fermer. Bon, après, je peux vous donner la recette. Hein, c'est aussi possible de vous donner la recette. Alors, on peut essayer de l'envoyer comme ça avec le téléphone. Colle le micro. Attends. Ça dure. Ouais. Bah, je sais pas, non, mais en tout cas, je t'avais déjà pris la recette et tout ça, mais je crois que j'ai jamais réussi vraiment à le faire, alors je me suis dit que peut-être aujourd'hui j'allais essayer. C'est C'est le micro, ne baisse pas. Non, lundi, tu penses que c'est le micro. Tu ouvres ton petit morceau. Ouais. Ouais, je pense que c'est sur lui. Tu couvres de lait. Bon, je viens de dessus pour que ça soit tout ramolli. Moi, tu le laisses un moment, hein, tant que ça se ramollit. Ouais. Combien de temps? Ouais, bah, tu le vois. Ouais, hein. Tu le vois. Parce que ça dépend de ton pain, s'il est vraiment dur ou pas. Mm-hmm. Si pas trop dur, ça va aller plus vite. Ok. Si c'est vraiment du pain rassis, ça met un peu plus de temps. Une fois qu'il est bien imbibé, bah, tu écrases tout en petit morceau. Une fois qu'il est bien imbibé? Ouais. Bon, vraiment, même avec tes mains, si tu veux, hein. Avec les pieds, quoi. Hein? Avec les mains, les pieds, enfin voilà, t'écrases tout, quoi. Ouais, mieux avec la pochette ou les mains. Faut bien se laver. Après, tu mets des raisins secs. Ouais. Des raisins, t'en mets pas mal, hein. T'as un gros plat. Normalement, pour moi, tu vois, le plat que je fais d'habitude, je mets un paquet entier. Si t'en as plus, faut en mettre plus. Ok. Voilà. Après, un œuf entier. C'est génial. Voilà, tu mélanges tout, du sucre roux, ou si t'en as pas, bah, tu mets une autre. Voilà. Et un tout petit peu de farine. Et sucre, t'en mets combien? Tu mets du sucre en poudre. Oui, mais tu mets 100 grammes, 200 grammes, 1 kilo. Moi, je mets toujours au pif, alors. En fait, t'en mets déjà dans le truc, si tu veux, dans ton plat. Tu mélanges bien, tu goûtes, hein. Pas assez sucré, bah t'en mets un petit peu, mais pas trop non plus, parce qu'après, à la fin, tu vois que tu l'as mis dans ton plat, tu remets une couche de sucre au-dessus pour que ça fait un peu caramélisé. Ouais. Donc, moi, j'en mets pas trop non plus, j'aime pas trop sucré. Donc voilà, un tout petit peu de farine pour lier comme il faut. Bon, faut pas que ça soit trop liquide. Ouais. Si y en manque pas, bah t'en mets pas, hein. Mais s'il en manque un peu, si tu vois que c'est un peu trop liquide, brut. Tu mets un petit peu de farine. Super. Et puis si t'as du rhum, tu mets une cuillère de rhum, c'est tout, hein. Tu mets dans ta plat, puis après, avant de mettre au four, tu mets un peu de sucre roux au-dessus. Ouais, pour faire caraméliser. Voilà, tu bon. Mets au four. Ouais, c'est vrai que c'est facile, hein. Bah ouais. Oh merde, on m'appelle. On a un petit souci, Jess est appelée. Attendez. Ah vas-y Nico, parle-nous du pudding. Non, bon, on a eu la recette, je vais essayer de la redire pour que ce soit peut-être plus simple pour les auditeurs auditrices qui écoutent le 101.1. Les proportions, ouais. Le sucre, on n'a pas très bien compris du coup. Oui, le sucre, c'est à l'œil, ça c'est vraiment au pif en fonction de si vous voulez quelque chose de très sucré ou pas. Et moi je sais pas, je l'ai fait comme ça vraiment au pif, mais peut-être j'ai mis 200 grammes, je m'en rends pas trop compte. Mais surtout bon, faire imbiber dans du lait, recouvrir de lait du pain que vous avez récupéré. Il y a beaucoup de boulangeries qui jettent du pain par exemple, donc c'est possible d'aller en récupérer. Vous mettez ça dans un saladier le temps d'une matinée. Ensuite il faut malaxer avec les mains ou une fourchette pour essayer de lier, de faire disparaître presque le pain dans le lait. Puis rajouter un petit peu de farine, un œuf, du sucre, une goutte de rhum, des raisins secs, pourquoi pas des pépites de chocolat. Vous mettez ça au four pendant une heure et ensuite vous pouvez le ressortir ou alterner les plats selon la qualité de votre four pour ajouter du sucre roux par-dessus afin de faire caraméliser un petit peu moins. Ici, là, on voit que la cuisson était très moyenne. Bon, franchement, il est bon. Et voilà, c'est pas cher, c'est juste du pain et des raisins secs et un peu de lait, quoi. On remercie maman Mailleux. Ouais. Je crois que Musica a envie de dire un petit quelque chose. Non, c'est juste que moi, personnellement, ça commence à me donner faim, tout ça. Donc, je sais pas vous, Ryan et JN, mais si vous avez faim, il y a la super soupe de Fatima qui est encore chaude et qui nous attend. Je pense qu'il faut pas trop que ça refroidisse. Il y a des petits pains qui ont l'air très très bons. Et je pense que je vais aller ramener la soupe à l'oignon. Donc, je sais pas si l'extérieur de la caravane nous entend, mais n'hésitez pas à vous servir. Il y a des bonnes choses sur la table, vous entendez plus. Vous entendez plus. Ah, il faut augmenter le son à l'extérieur de la caravane. Merci, hello. C'est bon, là? N'hésitez pas à vous servir, ne nous attendez pas. On n'a pas encore fini, nous. Et voilà, bon appétit. Et je reprends le micro, en fait, pour parler de pain dur. Ouais, parce qu'elle nous a bien saoulé hier, Elodie, avec son pain dur. Hein. Et nous aussi, on a réinvesti du pain. Et avec la soupe à l'oignon, donc... Merci, Mama Lolo. Et une autre recette pour réinvestir du pain, la soupe au fromage, oui, qui est très bonne aussi. Qui est une spécialité aveyronnaise, je précise. Oui, en tout cas, on a préparé la soupe à l'oignon. Voilà. De toute façon, Elodie. Oui, tu nous parleras de cette recette après, Elo. Je vous parlerai de la recette de la soupe au fromage aussi. Mais là, on a la soupe à l'oignon en direct, hein. Alors nous sommes en train d'arriver la logistique pour le repas partagé de demain. Ça pique les yeux. Franchement, je suis en train de chialer. Alors, dis-nous pourquoi je suis en train de chialer. Je sais pas. En fait, je pense que tu pleures parce que nous avons plus ou moins... Quelle est la quantité là d'oignons? Je sais pas. Une quantité astronomique. Ah oui, d'ailleurs, je suis en train de découvrir. Donc je fais ça, là, je vais... C'est pour demain, là, que tu vas acheter le pain ou pour ce soir? Je vais pas acheter de pain. Que tu vas acheter du pain. Ouais. Parce que pour demain, on peut écrire à Nausicaa qui pourra nous amener du pain. Oui, bah pour ce soir, ouais. Ouais, ce serait pour ce soir. Voilà, s'il y en a assez pour ce soir. Qu'est-ce qu'il nous a pris? On a pas assez toutes nos prêtes, hein. Ah non, mais putain, j'ai tellement pas toute ma tête. Il faut que je dorme. Je vais pas rester longtemps, là. C'est vrai. Je dorme 12 heures. Donc, est-ce que tu veux qu'on te décrive ce petit plat, là? Alors, décris-le-moi. On est en train de faire cuire, en gros, une centaine de kilos d'oignons dans un gros faitout. Et donc, c'est pour ça que tu pleures. Et ce qu'on va proposer demain, c'est une soupe à l'oignon. Original. En quoi consiste la soupe à l'oignon? Décris-nous la recette. Il s'agit d'un bouillon à base d'oignon que nous pouvons préparer avec de l'oignon. Ensuite, nous allons mettre du romarin, de l'eau, du sel, du poivre. Et ça va être mijoté pendant des heures et des heures et des heures. Et la présentation, la manière dont on mange cette soupe, c'est la suivante. On met une cuillère d'oignon au fond du bol, une poignée de fromage, du pain dur, du pain grillé dur. Et on verse le bouillon par-dessus. Voilà. Et ça fait un super... Attends. Et traditionnellement, quand est-ce qu'on mange la soupe à l'oignon? Je sais pas. Quelle est l'histoire de la soupe à l'oignon? C'est pas mariage? Si, c'est dans les mariages, c'est à 4h du mat. C'est à 4h du... En fait, c'est ça, je crois que c'est ça absorbe... C'est un plat de fête. Ça absorbe l'alcool, il y a quelque chose comme ça, je crois. Il y a un truc qui est assez consistant pour faire redescendre... Bah, il y a tout le gras que tu mets dedans, en plus des oignons. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'oignon, la laine de l'oignon, enfin le tu vois, la laine de l'oignon. La laine que te donne l'oignon, qui remplace l'alcool pour mieux recommencer jusqu'à 8h du matin. Et quitte à choisir à laine oignon ou à laine alcool? Ouais, préfère à laine alcool. Mais surtout, disons que ça permet de continuer à faire la fête en fait. À laine eau de vie, oui, c'est mieux qu'à laine oignon. En fait, c'est une sorte de mariage qu'on va réaliser demain. C'est mais oui! Une réunion de la réunion d'univers qui vont se retrouver ici même sur leur tapis orange devant la caravane et cohabiter autour de la nourriture et de la vie dans un quartier. Et ce quartier, c'est le quartier de la Grand Fond. Et donc là, nous pouvons entendre les œufs de la poule bouillir. Par contre, c'est juste à côté des oignons et vraiment, je vais chialer, quoi. Donc, je crois que je vais partir monter. Un petit peu de... Là, ce sont les oignons. Les filles? Oui, c'est pourquoi? Oui, alors je vais avoir une petite demande pour vous, une petite pause sportive d'ici 10 minutes. Ah non. Bon, mais c'est pas grave. C'est quoi? Mais si, dis-nous quand même. Alors, ça serait de couper, de déposer du pain dur dans des torchons et de frapper sur le sol pour qu'il se transforme en petit morceau. Ok. Vous êtes d'accord? Ok. Ça me paraît un peu louche. C'est ce petit pain croustillant que nous mettrons dans notre petite soupe au fromage demain. D'accord, on va battre Maïté le pain. Maïté est là. Appelez-moi Maïté. D'accord, Maïté. Il faudra battre le pain tant qu'il est dur. Ouais, d'accord. Ok, battre le pain, tchac, tchac, faire de la miette avec. Non, enfin, du crouton. Du crouton pour nos invités de demain. Oui. Bon, j'y vais, hein. 10 minutes. Ok, hein. Dans 10 minutes, on arrive. Super, ça marche. Dans 10 minutes, c'est 20h57, donc précisément... À 21h et des brouettes, quoi. On met un réveil? Ouais, je crois qu'on peut mettre un réveil. Putain, Céline, c'est l'heure. Mon doux réveil. J'éteins? Bah écoute, faut qu'on y aille. Allez, faut aller casser le pain. On fait un petit pomme S quand même. Casser le pain, trop bien! Casser le pain. On va faire des miettes, on va faire des croûtons. Lolo! On est là! Mais c'est trop bien, j'avais craqué. Bah, j'ai bien senti qu'il y avait une odeur bizarre d'arriver de là-bas. Je suis au deuxième pain, il faut que je surveille. Il y a une partie noire de dehors. Là, ça va. Ça cuit tranquillement. D'accord. Ça sent bien. Tu fais un gâteau ? Je fais de la pâte à crêpes, mesdames. De la pâte à crêpes ? Putain, mais t'as la motivation, là. Bah, on y va, on y a fond, là. On va faire un truc pentagruélique parce qu'on va se dire qu'il y a plein de gens qui vont venir. Et... Vous voulez que je vous montre ce que j'ai fait cramer ? C'est bien cramé, hein. C'est le cul qui déborde, là. Alors, le cul ou le jean ? Ah, mais je sais plus, tout à fait. Donc, je vous laisse voir, hein, ce petit... Cette petite merveille, hein. Donc j'ai fait une catastrophe. En effet. De la cuisine, n'est-ce pas ? Ouais. Vous êtes prêts ? J'essaye. Après, il faut s'imaginer que ça va ramollir dans le bouillon, hein. Bah oui, oui. J'ai d'autres chats à côté. Ça crame. Ça crame là déjà ? Ça crame. Ok. On va taper dans celui-là. Ouais, bon, on va taper dans celui-là. Celui-là. Yes. Ouais. Pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo. Donc voilà, on a un peu pété les plombs hier, hein, Céline, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, on s'est éclaté avec cette soupe à l'oignon. Et je crois qu'elle est prête, elle doit être dehors, non, j'imagine ? Ouais, elle est dehors. Ouais, elle est dehors, merci. Ça sentait trop bon. Ouais, vraiment. Dans tout le centre, ça sentait trop, trop bon. Ouais. Ah là là, on a faim. Ah, Nausicaa. Nausicaa reprend le direct. Alors, cette fameuse soupe à l'oignon, Nico, tu es le premier à l'avoir goûtée. Je peux pas avoir un premier aperçu, pardon, je suis en train de manger aussi. Digne d'une soupe... Qu'on dévorerait après une belle fête à 5h du matin. C'est ça. C'est très bon, très goûtu. Je me dépêche de manger parce que je dois m'en aller. Du coup, je vous attends pas en fait. Et j'ai goûté le pain de la dame aussi qui est passé tout à l'heure. J'en ai un peu dans la bouche encore. On l'entend. Ouais. Et très bon avec une sauce avec pas mal de menthe. Alors je sais pas comment elle s'appelle. Il y a un accompagnement, il y a une autre. Ouais, il y a Fatima qui nous a donné ça du coup. Et... Cette soupe à l'oignon, une autre sauce, dans laquelle voilà, il y a du beau pain qui a été fabriqué maison. Merci pour ce repas. Je vous salue, bonne fin d'émission. Bye. Nico. À tout à l'heure. Ok, alors nous on peut continuer avec les habitants du quartier qui nous ont encore décrit d'autres. Donc voilà, dont Fatima qui nous a préparé là ce petit plat et qui a parlé à Elodie de. Bah, de ce qu'on mange aujourd'hui et de ce fameux plat que je ne suis pas capable de nommer. Vous allez comprendre pourquoi. Allons-y. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Si ça, avec plaisir, ça vous dérange pas, merci. Merci. C'est au troisième étage, c'est ça ? C'est au troisième étage ? D'accord, merci. C'est quoi que vous avez ? Des gâteaux. Ah ouais, c'est qui les a fait ? Ah, c'est ma voisine. C'est vrai ? C'est trop sympa. Elle vous l'offre ? C'est vrai ? Ça arrive souvent ? Des fois. Enfin... D'accord, trop sympa. Bon appétit. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, je vous appelle juste 2 minutes, ça vous dérange pas ? Bonsoir. Oui, je m'appelle Fatima. Ouais. Et peut-être pour demain, autour de la cuisine, en fait, on a demandé à plusieurs personnes qu'on a rencontrées dans la rue, et on leur demandait, c'est quoi votre plat préféré ? Pour moi, c'est un plat, c'était algérien. Ouais. Il s'appelle Mhajib. Et c'est quoi? Ah ben, c'est comme un pain maison, mais avec une sauce spéciale, c'est-à-dire avec des oignons et des tomates. D'accord. C'est ça. Et vous, c'est quoi que vous préférez? Les frites. Les frites? Tu sais les préparer? Non? C'est qui les prépare? Ma mère. C'est ta mère? T'as pas envie d'apprendre? Et toi, c'est quoi? C'est les bonbons? Oh bah alors là, c'est pas ta maman qui les prépare alors. Et comment vous vous appelez? Faris. Faris. Et toi? Léna. Et toi? T'es timide? Mais super, merci. Ouais. Merci d'avoir ouvert parce que je me disais, il y a quelque chose sur le feu là. Ouais, c'est pas, je fais du blé pour les enfants. Du blé avec les steaks. Du lait? Du blé. Ah, du blé, pardon. Mais bon appétit! Bonne soirée. Merci. Hop, c'est là la lumière? Ah non, c'était la sonnette. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Alors là, les... Là, c'était l'histoire de notre vie. Oui. Voilà, voilà. Donc, c'était donc Fatima qui nous a ramené à manger. Alors, je sais pas si on a quelqu'un dehors avec le HF qui peut nous faire passer un peu ce qui se passe, parce que nous, on est toujours dans la Caradoc. Et apparemment, il y a pas mal de monde dehors. Et du coup, on aimerait bien savoir comment ça se passe, parce que nous, on a la dalle quand même. Hein. Au passage, on a vraiment la dalle. Comment ça se passe dehors? Elle est bonne la soupe à l'oignon, Clara? Oui, mais voilà. Je vous ramène la fougasse, il y a du... Ouais. On va pas passer, mais s'il y en a quoi? On n'entend pas? Ça. Moi, je veux bien. Bien le HF. Alors, Flo, est-ce que tu peux prendre un XLR, peut-être? Ouais, je vais prendre un XLR. Un LM avec un XLR long. Le jaune? Le jaune, peut-être, est assez long. Oui, donc tu disais, Clara, ça manque de fromage là-dedans. Ça se mange avec du fromage aussi. Ça se mange avec du fromage? Ouais, ça se mange avec. Mais c'est-à-dire, là, faudrait que je rajoute du fromage, ouais, tout, ouais, de suite? En plus des croutons. En plus des croutons, ouais. Ah ouais? Bah, moi, je trouve que déjà, comme ça, ça c'est goûtu. Ça. Et cette découverte culinaire? Alors? Ah, c'est bon. ça a l'air de plaire à tout le monde. Et est-ce qu'on sent Jess, bien le pain? Ça te plaît? J'ai pas encore goûté, mais écoute, il y a du cognac pain, ici là. Florent, s'il te plaît, est-ce qu'on sent le pain? On sent le pain. Le pain battu avec amour. Vous avez goûté? Vous avez goûté la soupe algérienne? Alors, elle est excellente. Merci beaucoup Fatima. Bon, et pour ceux qui mangent de la viande, qui mangent pas de viande, pardon, du coup voilà, je vous la déconseille, mais sinon elle est extrêmement bonne, des petites notes de menthe, voilà, c'est super bon. Il y a comme viande dedans? Je pense que c'est du mouton, ouais, de l'agneau peut-être. Vous avez ramené un plat? Bah non, parce qu'on savait pas. Ah. On est venu au cours d'anglais. Bah, vous êtes la bienvenue. Et voilà, on s'invite. Hein. On a fait de la soupe à l'oignon pour vous. D'accord. Ok, merci. J'aimerais bien goûter la soupe. Eh ben, allez-y. Sur le bas, c'est ça? Ouais. Je vais chercher une cuillère parce qu'elles sont parties de côté. Allez-y, faites tourner. Ah, là, il y a plein de monde. Oui, oui, servez-vous. Oui, allez-y. On ne vous entend pas, on aimerait bien savoir ce qui se passe. Bah, tout le monde déguste, c'est pour ça. Tout le monde est un petit peu occupé à manger. Ça a plutôt du succès, quoi. Les deux soupes ont du succès. Oui, nous serons encore là demain. Mais ce sera un autre thème. Ah, m'en voulez vous apporter à manger demain? Et demain, n'hésitez pas. Vous pouvez quand même si vous voulez. Hein. D'accord, ok. C'est sur le thème des femmes. Hein. J'ai quand même l'impression que oui, ce sera sur le thème des femmes, de la vie des femmes dans le quartier, etc. Donc si vous avez envie de venir, vous pourrez aussi. Ok, bon, on viendra demain. C'est ici le cours d'anglais, c'est juste en face, hein? Oui, on fait, oui, pour les enfants. D'accord. Et pour les adultes, alors les enfants de 10h30 à 11h30 et les adultes de 11h30 à 12h30. D'accord. Voilà. Et on vous a vu en arrivant en cours. On n'était pas informés avant. Ah, c'est dommage, on a fait des super flyers. Ah bah, je sais pas, je l'ai pas eu. Ah, on les a pas assez fait tourner peut-être. Il aurait fallu mettre plus de couleurs. Ouais, sais, c'est ça, ouais. Pas assez de couleurs. Et où est-ce que vous habitez? Bah dans le quartier de l'autre côté, la rue Henri Bellamy. Alors ça doit faire partie de du quartier Bel Air, je crois. Parce que moi je suis nouvelle dans le quartier. Je viens pas vous dire. Je viens d'arriver de la région parisienne. Alors je sais pas du tout. Je connais pas très bien Angoulême. Et vous vous plaisez pour l'instant Angoulême? Oui, oui, j'aime bien. J'aime bien et on va dire on est... bon, j'ai eu un coup de... Ouais, parce que ça fait beaucoup de changements. Oui, oui. Oui, c'est clair. Et le quartier vous plaît? Oui, j'aime bien le quartier. J'aime bien en fait l'animation qu'ils font aux cages. C'est très diversifié, il y a de tout. Vous faites des cours d'anglais, mais vous faites d'autres choses aussi aux cages? Pas encore, parce que quand même, faut du temps pour s'installer et tout ça. Mais je vois qu'ils font de la danse. La dernière fois, alors j'y étais, ils ont fait une animation pour. Je suis en train de chercher, c'était quoi? Pour les enfants en fin d'année, pour Noël. C'était très sympa aussi. Bon, la petite, elle a insisté. Elle a bien aimé, ils ont fait des dessins et tout ça. Je crois que c'est le centre de loisirs. C'est ça, Kenza? Vous avez fait des dessins et les gens, ils étaient déguisés et tout. C'était sympa. Bon, on reviendra régulièrement. Et est-ce qu'on peut entendre Kenza? Parce que nous, on la voit pas. Kenza, qu'est-ce que t'en as pensé de cet atelier alors à la maison de l'enfant? C'était bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dessiné quoi? Qu'est-ce que vous avez dessiné? C'était pourquoi le dessin? Plutôt pas dessiné, on a plutôt créé. Créé? Vous, wow. Enfin, vous avez fait quoi alors? Qu'est-ce que tu fais au cache sinon comme activité? Tu réfléchis? Et alors qu'est-ce que t'aimes manger? Moi j'aimerais bien savoir ce que t'aimes manger. C'est quoi ton plat préféré? C'est quoi son plat préféré? Elle aime de tout. On mange de tout. Hier, c'est quoi que t'as mangé hier soir? T'as mangé quoi? C'est là hier soir? Ah, des sushis. Les fameux sushis. Elle est internationale au niveau du manger. Elle mange du asiatique, européen, maghrébin, tout. Et si vous nous ramenez un plat demain, ça sera quoi? Bah, on va réfléchir tout à l'heure. Je sais pas encore. Et vous, votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est le couscous. Je vais pas vous dire que je vous la ramènerai demain parce que c'est du travail. Et vous nous donnez la recette du couscous? De votre couscous? Alors, de mon couscous. Vous voulez la recette? La recette, moi j'aime bien faire un mélange de légumes. Ça veut dire que je mets de l'agneau ou du veau et je mets du poulet. On fait revenir avec des oignons. Alors, les épices, vous mettez du poivre, du gingembre, du sel. Je mets de l'huile d'olive. J'aime bien cuisiner avec l'huile d'olive. Alors, on met des pois chiches aussi au début de la cuisson. On met de la sauce tomate. Moi, je mets dans la cocotte, comme ça, ça cuit rapidement. Après, je prépare ma semoule. Je prends toujours de la semoule fine, parce que mes gamins adorent la semoule fine. Je mets une cuillère ou deux d'huile avec la semoule sec. Je la masse bien avec un peu de sel. Je laisse reposer 10 minutes pour qu'elle absorbe de l'huile, pour que ça ne colle pas après. Après, je prends ma couscoussière parce que je fais cuire la viande à part et les légumes à part. Alors, dans les légumes, j'aime bien mettre tous les légumes, tout ce que j'ai comme légumes, carottes, pommes de terre. Potiron, courgette, navet, si c'est la période de la saison des aubergines, je mets des aubergines, je mets des poivrons aussi. Ça dépend de la saison, quoi. Voilà. Mais j'aime bien, alors si c'est la saison des choux, j'aime bien mettre aussi des choux, le chou vert. Je fais cuire alors les légumes avec un bouillon dans la couscoussière et dans le haut de la couscoussière. Je fais mouiller ma semoule fine avec de l'eau. Je la fais masser avec la main, tout ça. Je la travaille et je la fais à la vapeur deux fois. Après, je regarde. Une fois que les légumes ils sont cuits, je rajoute une petite poignée de raisins secs dans les légumes. Une fois tout est prêt, je mets la semoule dans un grand plat. Je pose la viande en premier et je décore avec mes légumes. Et j'arrose. Et après, chacun se sert dans son assiette. Ouais, attends, voilà. Merci beaucoup. Et là, du coup, vous avez pris de la soupe algérienne de Fatima, qu'elle nous a ramenée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime bien. Moi, j'aime bien la soupe algérienne. Moi, je suis d'origine marocaine. C'est une soupe différente qui s'appelle l'arera. Et j'aime bien la soupe algérienne parce qu'ils mettent des légumes. J'aime les deux, mais j'ai une préférence pour l'algérienne, parce qu'il y a plus de légumes que notre soupe, l'arera. Merci beaucoup. Et j'ai une petite question pour Kenza, qui aime bien la création. Une question pour toi, Kenza. J'ai cru entendre qu'elle aimait bien la création, et du coup, est-ce qu'elle a déjà créé des choses avec la nourriture? Je sais pas, genre des colliers de pâtes ou des trucs comme ça. T'as entendu? Est-ce que t'as déjà fait des colliers de pâtes? Non. Je crois que non. Elle a jamais parlé... Elle a jamais fait de collier de pâtes. Moi j'ai une question pour la personne à l'intérieur. C'est quoi un collier de pâtes? T'as jamais fait de collier de pâtes? Tu prends des nouilles et puis tu fais passer un fil dedans et ça fait un collier de pâtes. Et tu le mets autour du cou? Bah oui, tu le mets autour du cou, oui. D'accord. Tu mets ta création. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire ça avec des macaronis, des coquillettes. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Je suis contre quand on s'amuse avec la nourriture. Faire des objets ça, qu'on beau. Jette après parce qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger et quand je vois ça franchement je trouve pas ça raisonnable. Avis à toutes les maîtresses qui font ça dans les écoles maternelles. Normalement c'est pour la fête des mères qu'on fait des colliers de pâtes. Et alors, quelles autres pâtes on peut utiliser pour faire des colliers? Bah non, on va pas parler de colliers de pâtes du coup. Par contre, moi j'aimerais bien avoir l'avis de Manu sur son cognac. Je crois qu'il nous a ramené du cognac. Manu, est-ce que tu peux nous parler de... Quoi? Manu, tu peux nous parler de ton cognac? Ah, il veut. Je crois que la recette est secrète, mais vraiment... D'accord. Vraiment, il y a rien à en dire, quoi. Ah mince, top secret. C'est vraiment top secret. Bon, n'en parlons pas. Mais buvons-le. Buvons-le plutôt, effectivement. Alors, comme on voit qu'il y a pas mal de monde, on voudrait vous proposer un petit jeu. Est-ce que ça vous tente? Lucie. Oui. Merci. Du coup, on appelle Lucie, qui est censée faire le jeu, mais Lucie qui s'en va. Lucie revient. Petit jeu. Alors, c'est un jeu tout à fait particulier, donc un jeu des sons, que Lucie et Florence ont préparé. Donc, c'est des petits sons qu'elles ont pris dans le quartier, je crois. Ouais. Et qu'on va essayer du coup de faire deviner à tous ceux qui sont là. Lucie, je te laisse prendre la main. Ok. Mais tu restes. Mais alors. Il y en a aussi à Florence, donc vu qu'ils n'ont pas de nom, je ne sais pas trop lesquels vont sortir en premier. Alors les noms, c'est jeu 1, jeu 2, jeu 3, voilà. Jeu 4. Vous avez entendu le son? C'est des enfants qui jouent? Ouais, et c'est où, à votre avis, dans la Grand Fond? Ça doit être à l'école. À l'école, et elle s'appelle comment l'école? Ça serait. Non, c'est pas Georges Sand. C'est l'école qui est juste là-bas, là. Je connais que l'école, ma fille. Alors, c'est un son. Alors, vous voyez, vous? Ce que c'est l'école, vous la connaissez pas? Là-haut? Ouais. Celle qui est juste à côté de la maison de l'enfant. Est-ce que c'est une école primaire? C'est une école primaire? Oui, c'est une école primaire. Émile Roux? Oui, c'est la cour d'Émile Roux. Bravo, Nausicaa. Voilà, on peut passer au son suivant. Numéro 2. Est-ce que vous reconnaissez ce son? Alors c'est plus, c'est la sortie des écoles. C'est pour ça qu'on entend des enfants. Mais c'est plus le son qui est vraiment bruyant, le shh, le pff. Non, c'est pas un train. Qui est-ce qui a une proposition autour de ce son? Est-ce qu'on peut le refaire passer? Est-ce qu'on peut le refaire passer? Refaire passer, s'il te plaît, Marie. Je sais pas, hein, c'est un peu de la triche, non? Ah, je sais pas. À part si quelqu'un un peu de la triche, il paraît. Ça va, je rigole. Non, ça peut être. Bah, c'est Florence qui a la solution, je pense. Non, c'est pas une sonnerie. C'est pas une sonnerie. En fait, je vous donne la solution. Je dirais que c'est le bruit sourd d'un compteur ou quelque chose comme ça, non? C'est pas un compteur électrique. Tu penses à un compteur électrique? Non, c'est pas un compteur électrique. Quelqu'un a une idée? T'as une idée, Manu? En fait, c'est une sortie de gaz d'un immeuble. Enfin, c'est une sortie de gaz. C'est un compteur de gaz. Enfin, c'est un truc de circulation de gaz. Et ça fait ce bruit-là. C'est vachement bruyant. C'est parti pour un deuxième son. Son numéro 4 Son numéro 3. J'ai entendu machine à laver. Non. En fait, oui, c'est la cloche. La cloche, c'est quoi les sons de cloche qu'on entend? Oh mince. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une église sur Ouais, il y a une église. Elle s'appelle comment, l'église de la Grand Fond? Ah, mais. Sainte Bernadette, qu'on entendait en fond. Bravo, Jess. Allez, on continue, Marie, s'il te plaît, un autre petit son. C'est parti. Ah, je me suis trompée. Là. Il a l'air super compliqué, celui-là. Alors, est-ce que vous avez entendu? Ah, on me demande de le remettre, s'il te plaît. On renvoie. Ah, il n'y a pas que des voitures, il y a d'autres bruits derrière. Ouais, c'est le ménage, c'est ça, exactement. C'est quelqu'un qui fait le... Enfin, une personne qui s'occupe de nettoyer les cages d'escalier, etc. Bah, là, c'était sur le bâtiment de la banane. Et voilà. Vous avez bien deviné, c'était... Ils sont forts. Ils sont forts. Un autre petit son, s'il te plaît, Marie. Non, c'est pas les éboueurs. C'est pas loin, mais ouais, qui met un camion qui ferait quoi? Il nettoie la chaussée, c'est pas ça, là? Le mec qui nettoie les trottoirs? Non, pas tout à fait, c'est pas... C'est sélectif? Non, ça n'a rien à voir avec les ordures. C'est un bus. Non plus. J'ai pas vu de CRS quand je me suis promenée. J'espère ne pas en voir. Un camion bibliothèque, je sais pas. Non, on était plus... Est-ce que je vous donne la réponse? Allez, Lucie. Ah, c'était plutôt du BTP. Parce qu'il y a des travaux, en fait, ils refont des canalisations dans le quartier. Donc vous étiez pas tout à fait, pas tout à fait dessus. Marie, un autre petit son? Et le dernier, autre le dernier. Ce n'est pas mon son, je ne sais pas trop. C'est pas une machine, non? Si, c'est Florence qui passe avec ça le micro et dans elle quartier, sait. Ça se passe dans le quartier, oui. Là, ça se passe dans un immeuble. Un bruit de tuyau ou d'ascenseur? Ascenseur. C'est Jess qui a le trouvé. Ascenseur! Voilà, c'est ça, c'est un bruit d'ascenseur qui monte. Voilà. Bravo à tous. Petit jeu de devinette des sons du quartier. À quoi on passe maintenant, Marie? Je crois qu'on passe le micro à Nausicaa, qui doit être avec une professeure d'espagnol, je crois, qui donne des cours au CAF. Je pense qu'il va falloir que vous rapprochiez parce que le fil est pas assez long. Le câble XLR du noir est plus long. Alors bonjour. On vous a rencontré mercredi dernier quand on est venu au CAF préparer nos émissions. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous appelez et ce que vous faites ici? Et je m'appelle Pilar. Je fais des petits ateliers d'espagnol pour les personnes adultes, les jeunes et les ados et les enfants. Et je travaille tous les samedis au cash. Et à partir de 9h30 et à 10h30, les personnes grandes. Et 10h30 à 11h30, les ados. Et 11h30 à 12h30, les enfants. Mais je passe l'annonce parce que je voudrais que tout Angoulême parle un petit peu l'espagnol. Et je suis tous les samedis pour parler l'espagnol, pour apprendre l'espagnol, les personnes qui voulaient apprendre. Mais je suis là. Et vous êtes d'où, vous? Je suis chilien, de Chili, de Santiago, la capitale. Et je suis arrivée à ces 200 à Angoulême. Et en ce moment, je ne parlais rien de français. Aujourd'hui, je parle un petit peu. Et je travaille, je suis animatrice de CASH, et la partie éducative. Après, je travaille avec Nathalie Lamasso pour le projet de Chili. Et le samedi, je fais cours d'espagnol. C'est quoi le projet du Chili? Le projet de Chili, c'est de la danse contemporaine en Chili. C'est un échange interculturel. Génial. Oui, c'est génial. Et pour s'inscrire du coup à ces cours, comment il faut faire? Non, mais ça c'est pour la compagnie Isumi qui est de CASH. Et c'est un projet pour juillet prochain. D'accord. Et est-ce que vous avez un plat préféré, Pilar? Un plat préféré? Et la France, pour moi, c'est tout préféré. Toute la nourriture. Et je dis la baguette, le fromage et le bon pain, c'est tout. Ah bah c'est facile alors. Mais la chipamontier, j'adore. Vous avez entendu la recette tout à l'heure? Non, mais je n'ai pas, en ce moment, je n'ai pas arrivé. Et la raclette également. Et le bourguignon, une chose comme ça de viande, mais j'adore. Mais j'adore tous les plats français, hein. Vous avez une recette préférée chilienne ou? Oui, les empanadas. Les empanadas. Qu'est-ce que c'est? C'est de la viande avec des oignons et de la pâte, de la farine. Mais c'est super bon. Merci beaucoup. De rien. Merci. Alors, si on n'est plus direct dehors, moi je voulais rebondir sur ce que disait la maman de Kenza. Je ne me rappelle plus son prénom. Qui parlait du gâchis de la nourriture et du fait que certaines personnes n'avaient pas les moyens de s'offrir de la nourriture. Et donc nous, on est partis se balader, alors Flo, là, est partie se balader à l'épicerie sociale. Je vous propose du coup d'écouter ce qu'elle a préparé dessus. C'est parti. La désignation de Bon, Ramia vous fait dire qu'elle arrive, c'est qu'elle est un peu bloquée par la circulation en ville. Ce qui est normal. Hein. Baisé. Hier, j'étais rapide. Oui, il est... Là, pour l'instant, vous avez 3 kilos, vous mettez 3 kilos. On m'apécure. Ensuite, vous refaites une deuxième fois, vous mettez un chou, vous mettez un poireau. Alors, je pense que ça ira plus vite avec l'épicerie ici aussi. Etc. Et après, ça c'est mieux. Oui. Bah, mais oui, le total, vous n'en mettez pas. Voilà. Alors, on a un petit souci avec le PAD, je ne sais pas pourquoi. La diffusion des PAD ne marche plus. Du coup, je vous propose de reprendre l'antenne du direct, si quelqu'un... Enfin, pas l'antenne du direct, je dis un peu n'importe quoi là. De reprendre le direct, s'il y a encore du monde dehors qui veut nous parler de recettes ou de choses comme ça, le temps qu'on règle le petit souci de diffusion. S'il y a de la motivation, non, il n'y a aucune motivation. Là. Aucune motivation. Allons-y quand même. Manu, tu as une recette? Il faut manger. À nous partager? Tu as une recette à nous partager? Aucune recette? Non, j'ai aucune recette. Qu'est-ce que t'as dit? Mes recettes font des morts. Ok. Non, je pense à bon moment. Thomas? T'as une recette à nous partager? Là, comme ça. J'avais pas préparé. Une recette quoi que je préfère ou... Oui, une recette que t'aimes bien faire ou que t'aimes bien manger. Moi j'aime bien faire l'omelette à l'espagnol, c'est-à-dire avec des pommes de terre. Voilà, et c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire ça. Et voilà, et je fais assez... Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à en faire. Et voilà, vous voulez que je vous dise comment on fait? Alors moi ma grand-mère, Elle pèle les patates, mais très fin. Elle les coupe après très fin, très très fin. Donc ça fait vraiment comme des espèces de chips, mais de patates crues. Et avant, elle mettait ça dans l'eau comme ça pour les faire cuire un peu. Et en fait, elle a découvert le micro-ondes. Et pour elle, c'est génial parce que du coup, elle met tout ça dans, enfin, son gros plat de pommes de terre, elle le met direct au micro-ondes pendant 5 minutes, assez fort. Et à côté, pendant qu'elle fait ça, elle fait revenir de l'ail avec un peu d'oignon dans de l'eau. Et elle met pas mal d'huile d'olive aussi. Et elle couvre, donc ça mijote, ça mijote, ça mijote. Elle met un peu de sauce tomate aussi, mais vraiment une toute petite pointe. Et ça donne une légère couleur rouge à la sauce. Et après, elle sort les pommes de terre du micro-ondes, qui sont encore fumantes. Et comme ça, ça les pré-cuit. Et après, elle met les œufs avec ses pommes de terre. Elle mélange pour essayer de lier le tout. Et puis, elle met ça dans la casserole où elle a fait revenir l'ail. Et donc, voilà. Après, elle laisse cuire tout ça. Et donc, ça fait une omelette assez épaisse, quoi, très dense, avec une petite sauce, quoi. Et qu'elle laisse, le secret, c'est vraiment le temps. C'est vraiment de laisser mijoter, quoi. Et voilà. Merci, Thomas. On reprend le PAD. Alors Marie, oui, on veut bien reprendre le PAD parce qu'on est à la technique avec Elodie. On s'est servi un petit verre de cognac. Ah ouais ? Et voilà, on a bien envie de lancer un PAD sur l'épicerie sociale. La désignation des produits. Bon, Ramia vous fait dire qu'elle arrive, c'est qu'elle est un peu bloquée par la circulation en ville. C'est normal. Un BD. Hier, j'étais vraiment. Oui, il est. Là, pour l'instant, vous avez 3 kilos, vous mettez 3 kilos. On m'a fait cuire. Ensuite, vous refaites une deuxième fois, vous mettez un chou, vous mettez un poireau. Je pense que ça ira plus vite avec l'épicerie ici aussi. Etc. Ça serait mieux. Bah oui, pas ça, vous embêtez pas. Alors, en fait, ce n'est pas un problème de diffusion avec l'ordinateur, c'est un problème de PAD, il ne doit pas être exporté correctement, je sais pas. Du coup, moi, je peux vous proposer aussi d'écouter une interview de Sandrine, qui est une responsable de secteur au CAGE, et qui donc nous parle du jardin partagé et de l'atelier cuisine. Donc, on reste dans notre thème, hein, qui est plutôt pas mal. Donc, voilà. Le jardin partagé, en fait, c'est l'ancienne prévention routière, c'est en bas du quartier. Voilà. Et donc, le principe, c'est que les habitants peuvent accéder à ce jardin. Donc, on demande une petite participation pour les semis, les plants. On demande 3 à 5 euros par an, voilà, plus l'adhésion. Et après, les gens choisissent ce qu'ils veulent cultiver dans l'année. Ils font le plan du jardin ensemble, chaque année. Et puis, récoltent ceux qui ont participé. Voilà, donc on a une vingtaine de personnes qui participent chaque année. Et du coup, vous faites des repas à partir de ce qui a été récolté dans le jardin, par exemple, de faire des repas Oui, ça arrive. Oui, il y a des repas collectifs. Ouais. Et on a un atelier cuisine aussi. Voilà, qui a lieu chaque dernier lundi du mois. Ça fonctionne super bien, l'atelier cuisine. En fait, on apprend à faire des recettes de pays différents. Voilà, et puis on travaille aussi l'équilibre alimentaire. Parce que souvent, la migration, ça perturbe l'équilibre alimentaire. Dans chaque tradition culinaire, en fait, il y a un équilibre alimentaire. C'est très, très bien fait, en fait. C'est vrai, la cuisine, enfin, chaque culture a une tradition culinaire et en fait, il y a un équilibre, il y a une logique à cette cuisine. Et souvent, quand on quitte son pays, on se met à mélanger sa tradition culinaire avec d'autres traditions culinaires et on perturbe cet équilibre. Voilà. Donc l'atelier cuisine sert aussi à retrouver un équilibre. Ça, exactement. Et comment aussi, par exemple, à l'épicerie sociale, on ne va pas trouver tous les produits, mais quels produits on peut mettre à la place voilà. Comment on peut apprendre à cuisiner de nouveaux plats et de quelle façon on peut rééquilibrer les choses avec sa culture traditionnelle. Donc voilà, ça donne envie de partager des recettes encore et toujours, surtout à l'atelier cuisine. Donc voilà, alors c'est l'atelier cuisine, c'est chaque dernier lundi du mois pour ceux qui sont intéressés. Et maintenant, il y a de plus en plus d'hommes. Elle nous disait d'ailleurs voilà, qu'avant c'était très très féminin, même exclusivement féminin, et que désormais il y avait un peu plus d'hommes. Donc on est très contente de ça, ouais. Hein, vraiment. Et je vous propose, du coup, j'ai retrouvé une petite interview que nous avons faite hier avec Hugo. Justement sur l'épicerie sociale, donc là on n'est pas en situation comme le proposait Florence, mais on a l'interview où elle explique. Elle explique un peu ce que c'est et comment ça fonctionne, donc je vous l'envoie. Alors, je m'appelle Sandrine Charrier, donc je suis responsable du secteur vie sociale et familiale. Le jour de l'épicerie sociale, c'est un peu... C'est un gros jour dans la semaine, c'est un jour important. Oui. Et donc c'est quel jour? C'est le vendredi. Ok. Ouais. Et donc comment ça se passe? Vous faites comment vous êtes organisée pour l'épicerie sociale? Donc en fait le matin on reçoit les denrées de la banque alimentaire. On va en chercher une partie aussi. On installe tout et l'après-midi donc c'est la vente des denrées. Okay. Ouais. Et ça se passe où? Ça se passe pas au cage? Ça se passe en bas de la maison de l'enfant. En fait on remet un ticket dans l'ordre d'arrivée des personnes. Ça se passe tranquillement et que chacun passe à son tour. Ça fait 8 ans que je suis là, donc il y a eu différentes organisations au fil du temps. Voilà. Donc là, en fait, on a un créneau horaire. On commence à 14h45 et tous les quarts d'heure, il y a un groupe qui passe. Un groupe d'une quinzaine de personnes à peu près. Concrètement, comment ça s'organise et comment... Donc en fait, les prescripteurs, ce sont les assistants sociaux, puisqu'en fait, ça dépend de la situation sociale des personnes. Et une fois que l'assistant social a fait son évaluation, en fait, il peut proposer une aide alimentaire aux personnes. Donc il leur donne une carte. Les gens se présentent ici avec leur carte et ensuite ça donne droit à une aide alimentaire qui en fait est valable de 2 à 3 mois. Et ensuite le travailleur social refait une évaluation. Voilà. Et les denrées sont vendues à 10% du prix ou 10% du prix du commerce. D'accord. Et ces denrées, vous les récoltez? Donc, vous avez des partenaires? C'est la banque alimentaire en fait qui se charge de faire ça. D'accord. Voilà. Okay. Il y a à la fois des produits qui viennent de l'Union européenne, des excédents de l'agriculture, et puis il y a également tout ce que collecte la banque alimentaire auprès des supermarchés. C'est-à-dire en fait les produits qui arrivent en fin de vie, dont le client va plus vouloir parce que la date elle est valable 3-4 jours encore, et donc le client au supermarché il aime bien avoir une date qui va très très loin. Voilà, donc en fait ces produits vont avoir du mal à être vendus, donc les supermarchés les donnent à la banque alimentaire. Et la banque alimentaire aussi fait des collectes une fois par an, fin novembre, le dernier week-end de novembre. Voilà, et donc il y a aussi ces produits en fait que les particuliers vont avoir donnés. C'est tous ces produits que nous on reçoit. On passe une commande 15 jours ou 3 semaines à l'avance. Voilà, on commande ce dont on va avoir besoin, ce que les gens consomment aussi. Alors c'est quoi, c'est fait en fonction de ce que les gens consomment, c'est eux qui disent... On finit par connaître en fait les produits que les gens vont consommer. Donc vous essayez un peu, puis ensuite en fonction de ce que les gens prennent, vous adaptez vos... Exactement. Il y a à peu près combien de personnes qui bénéficient? À l'année c'est 400 foyers à peu près. Et là, en ce moment, par semaine, on est, vous voyez, là, j'ai donné, il y a 68 foyers qui sont passés déjà dans l'après-midi. Avec une moyenne d'âge de 23 ans, ce qui veut dire qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont bénéficiaires. Combien il y a de personnes qui travaillent? Enfin, combien il y a c'est des bénévoles, je crois, qui travaillent? Alors, on a une douzaine de bénévoles, et après, on est 3 salariés à intervenir sur l'épicerie sociale. C'est comme un magasin. C'est comme une épicerie. Ouais. Voilà. Sauf qu'en fait, on limite les quantités parce qu'il faut que tout le monde ait un petit peu de tout. En fait, il y a un bénévole ou un salarié, mais généralement, c'est un bénévole parce que les salariés sont plus là pour régler le flux, notamment limiter le nombre de personnes dans l'épicerie sociale. Enfin, ouais. Voilà, pour que tout se passe bien. En fait, la différence, c'est qu'en fait, il y a un bénévole à chaque poste. Hein, par exemple, dans un magasin lambda, vous n'aurez personne à l'épicerie, enfin en boîte de conserve qui va vous guider voilà, dans qui vos va achats. Entre guillemets. Là, voilà. Là, il y a quelqu'un en fait qui va vous dire à combien de, en fonction de votre composition familiale, à combien de boîtes de conserve vous allez avoir droit. Alors, donc on a quand même pu récupérer le PAD de Flo. Donc ça, c'était une interview qu'on avait réalisée avec Hugo hier. Et on va pouvoir entendre ce petit PAD qui a été fait du coup en situation. T'es à l'épicerie sociale hier, il me semble. Je suis allée à l'épicerie sociale hier et il y a deux semaines. J'ai passé du temps voilà, avec les bénévoles et voilà, on réentend Sandrine dans mon PAD. Dans mon son. Dans ton petit son. C'est dans quoi un PAD son. C'est un prêt à diffuser. Et c'est quoi un prêt à diffuser? Un prêt à diffuser, c'est un son qui est prêt à diffuser, qui est dans la liste de lecture de ce qu'on lance en fait pour l'émission de radio. En fait, c'est un terme qu'on utilise, enfin, c'est un raccourci qu'on utilise entre nous, entre gens de la radio. C'est pour ça qu'on vous explique pourquoi. Oui, parce qu'on veut pas être entre nous quand même. Pourquoi on dit PAD? Merci. Au moins, on l'envoie le PAD. Ouais. La désignation de produits. Bon, Ramia vous fait dire qu'elle arrive, c'est qu'elle est un peu bloquée par la circulation en ville. Ce qui est normal. Un baiser. Oui, il est. Là, pour l'instant, vous avez 3 kilos, vous mettez 3 kilos. Ensuite, vous refaites une deuxième fois, vous mettez un chou, vous mettez un poireau. Ah, je pense que ça ira plus vite avec l'épicerie ici aussi. Etc. Et après, c'est mieux. Bah, mais le total, vous embêtez pas. Donc finalement, le PAD de Flo ne marche toujours pas, mais c'est bizarre. Mais on l'aime beaucoup ce PAD et on l'écoutera plus tard. Et je crois que quelqu'un est venu me rejoindre là, juste à côté de moi. Comment tu t'appelles? Tilia. Comment? Tilia. Tu veux prendre le micro? Alors faut bien le mettre près de ta bouche, voilà. Alors qu'est-ce que t'as envie de me dire? Je fais avec Pilar l'espagnol, alors je fais le cours d'espagnol avec d'autres enfants. Depuis quand? Depuis. Octobre. Octobre, d'accord. Alors c'est bien? Oui. Tu peux nous faire un exemple là? Si tu sais parler espagnol un petit peu, tu peux nous dire quelque chose? Buenos dias. Et ça veut dire quoi? Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom? Je m'appelle. Est-ce que tu peux nous dire ça en espagnol? Yo me llamo. Et c'est quoi ton prénom du coup? Tilia, yo me llamo. C'est pas dans l'autre sens? D'accord, et en tout cas ça te plaît les cours d'espagnol? Oui. Ouais? Et il y a beaucoup d'enfants avec toi? T'as des copains, copines? Oui. Oui? Et alors c'est quel jour? Redis-nous. Savano. Savano? Alors moi je sais pas ce que ça veut dire Savano. Sabado. Sabado. Ah Sabado, d'accord. Non Sabado. Sabado. Non pas Sabado. Sabado. J'ai rien compris. Je crois que je vais laisser le deuxième micro à la professeure. Tilia, c'est une petite fille, une grande fille, excusez-moi, qui vient apprendre le cours d'espagnol. Et la vie commençait en octobre de l'année avant. Et aujourd'hui, elle connaît tous les chiffres hasta le 10. Ah, super. Elle connaît les couleurs. Elle connaît des animaux. Elle connaît comment dire « je me llamo Tilia » ou « je me llamo Pilar ». Et des petites salutations en espagnol. Je suis contente parce que je trouve qu'elle va très vite pour apprendre la langue. Et elle est toujours elle est très, très, très dispo à faire tout. C'est une fille adorable. Je laisse l'invitation à tous les enfants du quartier. Je laisse l'invitation à toutes les personnes majeures et jeunes, adolescents de tout le Grand Fonds, de la place Victor Hugo, la Magdalene, qui viennent au CACH à faire le cours d'espagnol. C'est tous les samedis matin, à partir de 9h30 à 12h30. c'est pour les grands de 9h30 à 10h30. Après les ados, 10h30 à 11h30. Et 11h30, les plus petits, les enfants à 12h30, 13h. Et ça passe très bien avec les enfants, avec les ados et les adultes, et super. Je laisse l'invitation et je vais réitérer une autre fois de laisser l'invitation, que les jeunes et pouvaient apprendre des différentes choses, déjà une langue, déjà faire des choses. Et c'est le cas qui a fait tout et nous sommes disponibles à aider en toutes les choses, et à le quartier et les autres quartiers. C'est ça. Moi, je les laisse un super et bon week-end. Un bon fin de semaine à tous. Et nous vemos el próximo sábado. Gracias. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu maîtrises bien en espagnol et que tu voudrais nous dire en espagnol avant de partir? Les chiffres ou les animaux? Quelque chose que tu préfères? Violeta. C'est la couleur violette. Oh, bravo. Bravo. Et les chiffres, tu les as? Uno, deux, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ouais, mais bravo. Et ça me rappelle une comptine que j'ai appris en espagnol à l'école. Est-ce que tu veux que je te la dise? Alors c'est uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En la casa de Pinocchio, solo cuentan hasta ocho. C'est ça? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En la casa de Pinocho solo cuentan hasta ocho. Là, il y a effectivement un meilleur accent, quand même. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux. Merci. Une comptine sur les pattes aussi, un tallarin. Ah, que tu la connais? Ah, un tallarin se queda por aquí, se va por allí. Un tallarin, c'est ça, je crois. C'est une comptine sur les... Bah, c'est sur les pattes, un tallarin, c'est les pattes. Si, les pattes. C'est las pastas, un tallarin, exactement, c'est les pattes. Bah, super, merci beaucoup à toutes les deux. Beaucoup. Alors, merci, comment on dit? Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta la próxima vez. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Très bien. Très bien. Tout ça, quoi. Arthur est venu prendre des cours au CAJ. Exactement. Samedi matin. Alors, je sais pas, est-ce qu'on enchaîne? Est-ce qu'on va réussir à enchaîner avec le PAD de Flo? Ouais. Alors, allons-y, on va essayer de brancher. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Donc, on va essayer de lancer le PAD de l'épicerie sociale. C'est parti. Qui est quand même hyper chouette. C'est parti, Flo. Bon, Ramia vous fait dire qu'elle arrive, c'est qu'elle est un peu bloquée par la circulation en ville. Ce qui est normal. Un baiser. Hier, j'ai été frappée. Oui, les... Là, pour l'instant, vous avez 3 kilos, vous mettez 3 kilos. On m'a piqué. Ensuite, vous refaites une deuxième fois, vous mettez un chou, vous mettez un poireau, vous repesez. Ah, je pense que ça ira plus vite avec l'épicerie ici aussi. Etc. Et après, ah ouais. C'est mieux. Oui. Bah, mais oui, le total, vous embêtez pas. Voilà. Bon. On a encore un problème avec le PAD, donc on va... Ça doit être l'export qui merde, mais bon, c'est pas grave, ouais, on va continuer, alors nous on a... On essaie d'avancer juste pour tester si ça revient, et sinon... Bon, on teste. 1, 2, 1, 2. Attendez, ouais. Ah, alors on a récupéré, on ne sait pas à combien de minutes, mais en tout cas... Je pense qu'on peut... Des pertes de son, c'est ça? Oui, je pense qu'on peut reprendre le fil. Attendez, ouais. L'arbre en premier. Là, c'est le premier. Il faut mettre les pommes de terre, tu sais. Attendez, on va juste décaler un peu. Tu dois sortir la table. Oui. Mais vous mettez pas ça. Si, on va mettre ça sur le... Vous voulez que tu gardes la... Si, non, parce que la... On va la mettre devant, ça va nous servir un petit peu si tu vas par là de guichet, de choses comme ça. Je ne vous suis pas. Je vous laisse faire, je vous suis pas. Petite, la mettre ici, là, Sandrine. Devant pour mettre les concerts quand les gens sont. Non, pas de guichet, s'il vous plaît. Pas de guichet. Non, mais pas de guichet. Mais avoir la table qui puisse poser leur boîte dessus et tout ça. Faut pas les mettre là. La boîte en fait, on va faire à manger. Ah non, avant, on ne mettait pas de guichet. Le guichet, c'est pas. C'est pas bon le guichet. Non. Au magasin, vous n'avez pas de guichet. Oui, non, mais au magasin, on sert. Voilà oui, la différence. Oui, oui, mais t'as pas besoin de guichet. Le guichet, c'est contre le principe des épiceries sociales. Tu ne peux pas dans le principe des épiceries sociales. Parce que pour moi, ça doit être comme un magasin. Mais c'est les personnes qui les servent. Enfin, c'est les bénévoles qui servent les personnes qui les servent. Ils mettent contre le mur. Les guides. Le mur. Mais pas forcément. Ils font le tour avec vous. Oui. Parce qu'on est obligé de limiter les gens dans les quantités. Voilà, si vous voulez faire pousser jusqu'au bout. Comment ça doit être comme ça? Ah oui, il y a un peu sur le derrière. Oui. Dans un magasin lambda. Ouais, je suis salarié. Oui, je suis Sandrine Charrier, je suis responsable du secteur vie sociale. Et hein. D'accord. Voilà. Alors, on a à nouveau perdu le son. Est-ce que Florence, en avançant un petit peu, on peut en avoir un petit bout? Bon, on a quand même un beau paysage sonore de l'épicerie, quand même. Même si ça fonctionne pas des masses. Mais y a pas de souci. Alors, en tout cas, dehors, on a vu que Fatima était revenue. Ouais. Fatima rentre dans la Caradoc. Donc, la super soupe algérienne. Elle va pouvoir nous raconter. Elle a pas expliqué la recette. Si, elle a expliqué la recette tout à l'heure. Il me semble. La recette avait été expliquée ou pas? Je prépare avec des légumes, d'arnicelle, et les épices, un peu de viande, c'est tout. D'accord. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Non, je n'y crois pas. C'est pas aussi simple que ça. Je suis sûre qu'il y a un truc caché. Alors, vous étiez au foot, là, c'est ça? Oui, je ramène mes enfants parce qu'elle a des activités. D'accord, ils font du foot? Ah oui, c'est ma... Ah, pardon. Mais il faut bien le mettre proche, en plus, parce que c'est pas très sensible. Je travaille avec mon fils, elle a le foot. Et les filles, parce que le centre laser aujourd'hui, il y a, pour faire des activités. Ok, donc c'est ici, c'est dans le quartier? C'est le centre qui est, ah oui, c'est qui ça, est en dessous, c'est là? Le cage, oui. D'accord. C'est avec le cage. Et le foot, c'était contre qui? Je sais pas. C'est un match ou c'est un entraînement? Oui, c'est ça. C'est un match? C'est normalement à ma compagne, mais je sais pas contre qui. D'accord. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, parce qu'on s'est vu hier, on s'est vu hier et vous êtes venue avec un plat aujourd'hui. Et est-ce que les copines, elles sont venues du coup, elles n'ont pas pu venir? Je demande, mais j'ai deux copines, elle a les enfants malades. Ouais, c'est d'accord, ça, ok. C'est ça. Mais en tout cas, c'est super, merci, parce beaucoup. Que c'est vrai que du soir au lendemain, parce qu'on s'est vu hier, tout à l'heure, on a entendu la description du fameux pain que j'arrive pas à prononcer. C'est pain maison? Le pain, comment vous disiez? C'est le pain maison? Mais c'était pas en français. C'était la prononciation. Ah, hajib. Voilà, c'est ce que même. J'arrive. C'est pas celui-là, parce qu'en fait, je suis pas encore sortie pour. C'était pas le pain décrit dans hier non, soir. Non. Okay. C'est d'autres choses. D'accord, ok. Bon, désolé. Non, pas de soucis. Et moi, j'ai une question. C'est bien vous, avec le balcon très coloré, plein de linge, qu'on voit de la caravane? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ah, on adore. Franchement, on a vu. On s'est dit, c'est très photographique. Merci. Ça met de la couleur au quartier, ça fait du bien. Et on se retrouve demain, c'est ça, pour demain aussi? Ah oui, oui, c'est une journée pour les femmes ou quoi? Oui, voilà, c'est ça, donc on va pouvoir parler, se retrouver demain. Ok, ouais. Je suis là. Bon, super, on se retrouve demain. Je suis pas loin. Ok, merci, à demain alors. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Du coup, alors moi je peux vous proposer un truc sympa. C'est toujours des trucs sympas. On est au taquet. Alors c'est une petite dame qu'on a rencontrée hier avec Céline. On se baladait en pleine nuit, enfin en pleine nuit. Il était 20h, mais il faisait déjà nuit quoi. Et qui donnait à manger à des petits animaux. Et on a bien rigolé parce que c'était assez cocasse comme scène. Donc on vous envoie le PAD. Ah. On a perdu le jack, du coup, qui n'a pas été rebranché, donc on arrive, hein, on est là. On est très doués, tout va bien se passer. Voilà, on est toujours là, et c'est parti. C'est toute une petite famille que personne ne veut. Ils ont été abandonnés, bien sûr. Hein. Tellement facile de prendre des minous puis de les lâcher comme ça. Hein. Et vous, vous venez leur donner à manger tous les soirs ? Oui, matin et soir. Donc ça, c'est votre chien ? Vous venez avec ça, votre chien ? Ça, c'est mon chien. J'ai un chien aussi à la maison. Puis je donne à manger à des petits minous. Ben, voilà. Il y a papa, il y a des filles, des petits garçons. La même portée. Oui, n'aie pas peur, mon chéri. Ça, c'est son fils. Ah ouais, mais du coup, vous les connaissez bien. Ah oui, oui, oui. Ouais, ben aussi, vous connaissez les chats. Oui, oui, ben bien sûr. Hein, mon bébé. Est-ce qu'on peut vous demander votre prénom ? Nadine. Nadine. Oui, oui. Et Rothschild ? Non, non. Ah, c'est pas j'aimerais vous. Bien. Ah ouais, c'est pas j'aimerais vous. J'aimerais, comme il serait pas malheureux du tout. Et il serait... Ils auraient des super croquettes. Pardon ? Ils auraient des super croquettes. Oui, mais voilà, c'est ça. Oh, ceux qui sont pas malheureux, hein. Bah, on j'ai achète pas le l'impression. Bas de gamme, hein. Voilà. Hein. Ah ouais. Donc vous mettez le budget pour les animaux. Il y a la dame qui est là, qui donne aussi tous les soirs et matins. D'accord. Jasmine. Bonjour, enchantée. Bonjour. Voilà. C'est la radio. Oui. On est dans la caravane juste là. Oui. On fait des émissions. Si vous voulez un flyer, demain on fait un repas partagé voilà, avec les habitants du quartier. Ou n'importe quoi, voilà, si pour moi je proposerai à ma fille et puis il n'y a pas de souci. Oui. Isis, viens là ma chérie. Alors est-ce que vous avez un plat préféré ? Moi c'est des cagouilles. Les cagouilles, oui. Des cagouilles, des escargots. D'accord, voilà. Okay. Donc avec un peu d'herbe, c'est ouais, ça à la charentaise, oui, oui. Alors c'est comment la charentaise ? Avec de la ah non, moi je suis pas la charentaise, moi. De la mie de pain, de l'ail, et puis une petite sauce bien, bien, enfin très légère, mais qui colle bien à la cagouille, et voilà, c'est très bon. D'accord, et donc vous êtes d'origine charentaise, vous ? Oui, oui, oui, oui. Ok, vous êtes née ici ? Pas ici, je suis née à Vaurouillac, à une, je sais pas, une vingtaine de kilomètres d'ici. D'accord. Voilà. Et vous habitez dans le quartier ? Oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Là, oui. Ça fait, on va dire, 66 ans. Ah oui, quand même. Oui. Enfin, j'étais à Bel Air avant parce que je suis fille de cheminot et on a une cité SNCF juste à côté. Et après, je suis venue ici. D'accord. Quand j'ai lâché mon métier, j'étais gérante de société chez André, donc je suis rentrée. Et quand ma mari est décédée, je suis rentrée en Charente. Ok. Je sais pas si on peut demander à la dame, elle a peut-être une recette oui. aussi. Bah oui, on va lui demander. Jacqueline. Avec son prénom. Donne à ces dames une recette, ta recette préférée. Votre plat préféré, qu'est-ce que c'est ? Alors là, moi j'aime les escargots, moi aussi, mais je ne les fais pas du tout comme la dame. Voilà. Alors, comment vous les faites, vous ? Moi je les fais, je les lave bien comme il faut, quoi, bien sûr. Je les fais cuire avec un bon courbouillon. Je vide mes escargots, j'enlève ce qui est amer. Moi c'est au beurre d'escargot que je l'ai fait, c'est-à-dire de l'ail, enfin du beurre, de l'ail et du persil. Le truc bien riche qui fait grossir quoi. Ah oui, ça ah, je oui. connais cette recette, voyez. Vous voyez, ça c'est très bon, voilà, moi il y a comme ça que je les mange. D'accord. Voilà. Et moi, c'est votre plat ça. Préféré ? Ah j'adore les escargots. Ouais. Bon, ouais. Et vous les ramassez ? Il n'y en a pas ici malheureusement. La chasse à la cagouille. Il n'y en a pas ici de toute façon. Ben non, avec les bâtiments il n'y a rien. J'adore les ramasser et j'aime les champignons aussi, les cèpes. Ah, donc vous allez à la cueillette aux champignons ? Bah, si je pouvais, oui, j'irais bien, mais voilà. Oui. Quand on n'a pas de voiture, hein, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Oui, c'est vrai voilà. que c'est pas vide. Ah, et du coup, vous êtes d'origine française ? Vous êtes née en Charente ? Je suis française. Non, je ne suis pas née en Charente. Moi, je suis née à Reims. D'accord. Bah, merci beaucoup, en y tout cas. Il n'y a pas de quoi. Pour votre recette des cagouilles. Voilà. Donc voilà. Céline, oui. Quelque chose à dire ? Envoyez les poules, messieurs les Anglais ! Envoyez les poules ! Mais les poules, alors là, franchement, je pense qu'on peut bien se marrer. Donc, c'était hier soir. Oui. Ouais. C'était hier soir. Et hier soir, on était très fatigués. On a un peu pété les plombs parce qu'on est quand même là H24. Hein, faut le redire. Et donc, avant de préparer le repas, on cherchait les ingrédients. Donc, on est parti de là. Et je peux quasiment vous assurer. Oui, c'est quasiment du tourné-monté. C'était vraiment une totale improvisation. Tout le monde s'est donné. voilà. Donc, je vous envoie le PA des poules. Céline, ils sont où les œufs ? Ouais, les œufs, ils sont dans le frigo. T'es sûr ? Bah oui. Je les ai posés dans le frigo. Oui, c'est moi qui ai fait les courses. Bon, bah, je vais chercher. Donc, j'ai mis les œufs dans le frigo. D'habitude, je ne fais jamais ça. Mais là, comme ça, pourquoi tout est ensemble. Super. Parce qu'en fait, c'est pas la peine de les mettre au frigo. Oui, mais pourquoi tu l'as fait alors ? Ben parce que je me suis dit, vaut mieux que tout ce qui est à nous soit ensemble. Comme ça, c'est plus facile pour retrouver. Et comme la cuisine aussi, elle est ouverte. Que, tu vois ? Que nos œufs disparaissent pas, que quelqu'un les prenne pas en se disant tiens, je vais faire un gâteau subitement là, et voilà. Tu nous diras si les œufs ont disparu, Marie ? Oui, mais j'ai l'impression qu'ils ont disparu parce qu'Elodie les cherchait dans le frigo. Merde ! Je les avais mis en haut. On va mener l'enquête. Ah merde ! Peut-être que c'est une poule vénère qui est venue récupérer. Une poule vénère ? Bah ouais, une poule vénère. Mais de là à aller dans le frigo pour aller les récupérer, je peux. je sais pas, je me dis, moi je connais des poules vénères, hein, mais j'en ai connu une, mais elle est morte. Par exemple, alors c'est pas celle qui est morte avec une petite statuette bélier qui lui est tombée sur la tête à cause de la marne. Si, c'est elle. Alors parle-nous de cette poule, Flo. Ben elle était trop thug life, elle montait partout, elle descendait partout, elle s'échappait tout le temps du poulailler et puis elle arrivait dans la cour de la Grand Fond quand on était à la coloc à la Grand Fond et elle a même fini par rentrer dans la maison plusieurs fois et elle bouffait nos trucs. Tout le temps. Et un jour, elle s'est échappée et elle a fait un tour du quartier. On l'a pas vue pendant une semaine et on l'a retrouvée. Enfin, il y a une vieille dame du quartier qui était à peu près en face de chez nous qui nous l'a ramenée une semaine et demie après. Elle était de l'autre côté de la rue, la poule. Je sais pas comment elle a fait. Et c'est pas cette poule que justement cette vieille dame s'est carrément occupée d'elle ? Si oui ! Elle l'avait gardée chez elle, mais elle en avait marre à un moment parce qu'elle chiait partout. Chez les œufs. Mais attends, je me sens vraiment nulle parce que cette poule, je l'ai tellement aimée, je me souviens plus de son nom. Et elle est tellement morte. Et elle est tellement morte. Mais il leur donnait un petit nom à la coloc, c'était pas. Merde. L'intrépide ! Non, il y avait un autre nom. Oh putain. Est-ce que justement elle était folle ? Fond la bise ! Elle se barrait tout le temps. Elle avait un nom particulier. Bip bip. Non. Bip bip. Je sais plus. Ouais, non, je sais plus. Ah, ça m'énerve de plus savoir. J'ai envie d'appeler Eric, mais. Désolée. Appelle Eric Tu peux mettre le haut-parleur, ça, s'il te plaît. Allô, coucou Eric. Oui. Je suis avec Marie là et on est au cage de la Grand Fond. Et, salut. Et je me remémorais notre poule de la Grand Fond, celle qui sortait toujours et qui avait disparu pendant une semaine. Oui. Mais je me rappelle plus comment elle s'appelle. Intrépide. Ah, t'as vu, c'était l'intrépide. Ouais, mais à la coloc de la Marne, ils leur ont donné un autre nom, je crois. Ah, bah là-bas, ils leur ont donné un autre nom. Attends, est-ce que c'est pas celle qui est morte? Si, c'est celle qui est morte. Si, celle qui escaladait le grillage, en fait. C'est comme ça qu'elle est morte. Ah bah oui, c'est ça. Mais elle s'est pas bouffée une petite statuette de bélier sur la tête ? Oui, mais elle était en train de... Quoi ? Celle qui escaladait le grillage, elle a fait tomber la... Comment dire ? La statue sur une autre poule. Mais c'est pas elle qui était en dessous, intrépide. Elle est encore là, c'est la petite noire. Ah bon ? C'est la petite rose. Mais elle y est encore, ouais. Ah bon ? Elle est vivante ? Ah, mais trop bien. Mais elle avait pas un autre nom qu'intrépide ? Ah bah, chez nous, non. Non ? Ok. Faudrait appeler Nico. Ils ont choisi de la renommer par un nom pourri. C'est leur truc. Oui, en fait, ils l'auront pas renommée, vu qu'intrépide, c'est eux qui lui ont donné ce nom-là. Parce que nous, on a récupéré leur poule quand ils sont partis de Montpellier. Et qui était cette petite poule. Parce qu'à la base, on avait trois poules qui ont été mangées par des chiens. Et ensuite, eux, ils nous ont redonné une poule qui a voulu couver. Et donc, on lui a mis plein d'œufs sous les fesses. D'accord. Ah ouais, belle technique. Super. Ben, en fait, Intrépide nous est venu à l'esprit parce qu'on cherchait des œufs. Donc, elle n'est pas morte. Quelle est cette fée ? Elle n'est pas morte, mais putain, mais je me dis, mais je suis tellement contente qu'elle soit vivante. Mais il faut qu'elle s'échappe, il faut qu'elle parte vers d'autres aventures. Cette poule n'est pas faite pour rester entre quatre grillages. Eh bien, envole-toi, poule, envole-toi. Sur ce, je vais chercher les œufs. Ouais. Merci, Flo. Je suis contente. Donc là, je vais jusqu'à la cuisine. On était dans la salle polyvalente. Je retrouve Elodie qui prépare le repas. Excuse-moi, c'était un peu long. On racontait l'histoire de la poule. La poule. La poule de la Grand Fond, qui n'est finalement pas morte. Intrépide qui a passé une semaine chez une vieille dame à la Grand Fond. Qui s'était enfuie. Oui, c'est vrai, donc on a eu cette histoire. Et donc elle n'est pas morte. Finalement. Ah, je suis rassurée. C'est pas elle qui est morte, c'est elle qui a tué l'autre en montant le grillage et en lui balançant une statue sur la tête. Ah oui, c'est celle-là. C'est la même. Exactement. T'as des souvenirs avec cette poule, toi ? Absolument pas. Moi, je me souviens de la mort de cette poule et du drame que ça a été pour les anciens propriétaires, en fait. Qui s'étaient vachement attachés à cette poule. qui donc c'était des propriétaires qui habitaient dans le quartier de la Grand-Fond, justement dans une vieille maison de famille, et qui je m'éloigne un peu, je fais les gestes à la fois, et qui donc avait fait le choix d'avoir des poules pour avoir des œufs dans une idée de d'être en lien avec l'environnement et la nature. Et donc, ils s'étaient vachement attachés à leurs poules, en général. Et elles avaient des caractères, ils s'occupaient bien d'elles, etc. Et quand ils ont dû quitter ce lieu, limite à contre-cœur, ils ont cédé ces poules à des personnes qui avaient du terrain. Et j'ai le souvenir d'une poule écrasée par une statue qui avait été posée sur un mur pour protéger un trou, pour empêcher le passage des poules. Et en fait, le piège s'est retourné contre elle. Et il semblerait que ce soit ça, qu'on les retrouvait assommées et elles seraient mortes dans les heures qui ont suivi. Aux grandes dames des anciens comme des nouveaux propriétaires, entre guillemets. Et j'ai senti beaucoup de tristesse. Oui, je crois aussi. Oui. C'était la seule qui avait un nom, enfin c'est ce qu'on croyait. Et finalement, c'était pas elle. C'est elle qui a tué celle-ci. Ah, on assume, parce que moi je savais pas que c'était une poule qui avait tué. Ah, si, ah, si. Ah, d'accord. Quelle histoire. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais je suis moi-même très attachée aux poules et j'avoue que de voir une poule agonisante, c'est pas facile. Elle n'est pas morte sur le coup ? Je crois qu'elle n'est pas morte sur le coup et leurs yeux libèrent à ce moment-là, dans l'avant-mort, un éclair d'intelligence qui ne les traverse jamais pendant leur vie normale. Et c'est vrai que c'est difficile de voir dans un regard... une accusation. Merci Élodie pour ce témoignage poignant. Ça me fait plaisir. Vive la poule libre. Vive la poule libre. Vive la poule libre. Vive la poule libre. Le bouillon de poule. Au passage, les œufs sont dans le frigo. Ah, c'est vrai, je les ai pas vus. D'accord, merci. Bon, c'est terrible, hein. Est-ce que tu pourrais courir après Flo pour lui dire de bien penser au bouillon de légumes ? Je vais courir. Merci ! Peux-tu penser au bouillon de légumes ? Ah bah oui ! Voilà. Oui, il faut des œufs aussi, une poule. Elle demande s'il y a besoin de ramener une poule. Mais oui, bien sûr, si tu peux ramener la poule en même temps. Bon, elle est partie. Comment ? Flo, elle est partie. Oui, elle est partie. Elle est allée chercher du pain et... Et une poule ? Et alors, attends, quoi ? Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Et un bouillon de légumes végé. Et pas une poule ? Ah... Tu crois qu'elle va ramener une poule ? D'accord. De quoi ? Pour la mettre dans la marmite ? Ou peut-être pour pondre des œufs ? Ah, mais merde, vous n'avez pas trouvé les œufs ? Donc, voilà, notre petit délire d'hier soir, qui était fort sympathique. J'espère que ça vous a plu. Et alors, Flo, du coup, t'as habité à la Grand-Fond. C'est ce qu'on a découvert avec ce petit PAD. Oh, pardon. Mais oui, j'ai habité dans la rue de la Grand-Fond, en fait, en bas, juste derrière la gare. Quand on descend la butte de la Grand-Fond Bel Air, on arrive dans une cuvette et y a une rue énorme. Enfin, ouais, elle est très grande, la rue de la Grand-Fond. Et on est habité en coloc là-dedans avec Eric, qu'on entend dans le son. Et vous étiez combien dans cette coloc ? On était 4 ou 5, ça dépendait. Et alors, c'était sympa le quartier de la Grand-Fond ? C'était sympa le quartier de la Grand-Fond. Du coup, moi, c'est comme ça que j'ai découvert ce quartier-là avant de déménager plus à Saint-Cybard. Et ouais, c'était chouette de venir faire des trucs ici. J'avais loupé le festival en cage l'année dernière, mais du coup, j'y suis revenue cette année en octobre là parce que ça m'intéressait de voir ça. Et c'était vraiment chouette. C'est quoi le festival en cage ? Le festival en cage, c'est un festival en octobre, si je me trompe pas. C'est un week-end où il se passe plein de trucs. Il y a Nathalie Lemasson, prof de danse à la maison de l'enfant, qui fait plein de... qui organise ça avec plein d'autres gens, j'imagine, mais voilà, qui porte ça. Elle fait de la danse dans les cages d'escalier. Bon, il y a plein de trucs qui se passent dans les cages d'escalier et aussi Et aussi à l'extérieur. De tous les immeubles du quartier. Bah, de plein d'immeubles, ouais. Sinon, la maison de l'enfant est investie, le cage aussi. Il y a des spectacles de magie. Il y avait Edgar Niculo. Edgar Niculo? Un mec du DU électroacoustique. C'est quoi un DU électroacoustique? Il y a trop de questions, alors, on en peut plus. Alors, ah, d'accord. C'est quelqu'un qui fait de la musique et qui s'était mis dans le quartier de la Grand-Fonds dans une cuvette, en fait, où ça résonnait énormément, donc on l'entendait partout. C'est vraiment un quartier qui est vachement résonnant. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait? La danse dans les cages d'escalier et un concert de rock aussi, plein de trucs, c'était trop bien. Et j'avais découvert ça par Nathalie Lumasson parce que je faisais de la danse avec elle. Et j'ai découvert ça par ma coloc qui faisait de la danse aussi à la Grand Fonds, quoi. Donc ouais, même si j'étais en bas du quartier, je suis déjà montée l'année dernière et puis ça m'a donné envie de revenir. Et puis c'est un peu comme ça qu'on est là aussi parce que il y a plusieurs personnes autour de nous qui sont en lien avec ce quartier. Il y a Nicolas Maillot aussi qu'on a entendu tout à l'heure avec Maman Maillot. Maman Maillot. Avec Maman Maillot et qui nous a ramené un pudding fabuleux. Voilà. Ben okay. Merci Flo. Rien. Et merci à tous d'être venus. Alors là, on est encore avec Arthur, Anne-Sophie, Nausicaa et Clément. Et Anne-Sophie, numéro 2. Donc Anne-Sophie Pifka, Anne-Sophie Giraud, AGASP. Voilà. On a encore Manu dehors qui nous a ramené le cognac. D'ailleurs, on vient de le finir. Il est très bon le cognac. Merci Manu. On est ravis. Super. Ah oui, un autre là pour finir l'émission. On va clôturer sur un cognac quand même. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, Elodie sort son verre du coffre de la caravane. On est prêts. Ah, merci ouais. Manu. Une promette est une promesse. Ouais. Une promette est une promesse. Une promette est une promesse. Donc voilà, on est ravis. Faisons des promettes. On est ravis, ça a plutôt bien marché, je crois, cette émission. On a eu pas mal de gens qui sont venus manger avec nous. Oui, c'était chouette. Devant la caravane, il y avait plein de gens qui discutaient ensemble autour de la soupe algérienne, autour de la soupe à l'oignon, autour de pizza, autour de plein de mets fabuleux. Donc voilà, on est super contents. On vous remercie tous. Et demain, évidemment, Nausicaa, demain, tu veux dire ce qui se passe? Nausicaa! Demain, rendez-vous à midi devant la caravane pour le jeu des 1000 bisous animé par Tom. À 13h. Et à 13h. Avant, à midi. Ah, pardon. Oui, en fait, c'est d'abord. D'abord. Midi quand même. Venez à midi. On n'est pas qu'on commence avec une émission sur la place des femmes. Si, c'est juste que je me mélange tout le temps. Merci. Voilà. Donc à midi, une émission sur la place des femmes dans le quartier. Et j'ai entendu parler du fait qu'il y aurait une délégation congolaise au cage. Donc il y a plus de 100 personnes qui vont être là toute la journée. C'est pas donc il y a moyen que ce soit. Voilà. Qu'il y ait beaucoup de monde autour de la Caradoc. En tout cas, on va les ramener du cage qui est à quelques mètres vers la Caradoc. Et apparemment aussi, il y a une réunion des femmes du quartier demain, donc on va pouvoir aussi rencontrer beaucoup de monde. On donc ça c'est de midi à 13h qu'on sera en direct et on sera encore en direct de 13h à 14h pour le jeu des 1000 bisous animé par Tom. Donc ce sera un jeu un peu sur le principe des jeux des 1000 euros, je sais pas si vous connaissez tous, mais du coup il y aura des questions sur la Grand Fonds, spécial la Grand Fonds, avec sûrement des cadeaux que les commerçants du quartier ou des alentours auront fait pour les gagnants. Au on sait pas encore ce que c'est. Il les a trouvés, tu crois? Je crois qu'il y a des cafés ou des boissons ou des choses un petit peu sympas à gagner. Voilà. Mais surprise, je ne sais pas tout. C'est génial. Et on accueillera également Au fil des femmes pour la première émission, l'association. Ah oui. On accueillera aussi c'est Fatima qui va nous parler. Fatima. Nathalie Masson. Nathalie Masson. Donc voilà, ce sera des portraits de femmes. On va parler aussi d'une pièce de théâtre qui a été montée avec le cage, uniquement par des femmes qui parlent du quotidien. On pourra passer quelques extraits sonores. Donc voilà, on a vraiment prévu plein de choses. Et je voulais faire un appel aux rappeurs qui ont été rencontrés hier. Oui, parce qu'on les a pas vus, ils devaient venir rapper en live. Venez demain, venez, il y a encore demain, donc. William, un appel à William. Appel William, c'est ouais, William, si tu nous entends, rejoins-nous demain entre midi et deux. Oui, entre midi et deux, les rappeurs venaient aussi. Et j'ai croisé Zora tout à l'heure, qui est venue emmener ses enfants pour faire des cours d'anglais, et qui va nous ramener un petit plat encore. Oh, voilà. On est ravis, on adore manger. Franchement, on adore manger dans la Caradoc. Vous avez tout ce qu'il vous faut en fait à la Caradoc, il faut venir nous voir. Ah mais c'est parfait, c'est parfait, venez. Et voilà, donc on va se quitter en musique. Ouais. Une petite musique toujours dégotée par Céline, parce que c'est la pro un peu. Elle a quand même une culture musicale assez incroyable. Culinaire, une culture musicale culinaire. Oui, c'est un peu ça, toujours sur le thème, toujours sur le thème. Toujours là, sur la place, Céline. Yeah. Donc voilà, à vous les studios, juste après la musique. Well, I just found a rogue called. Someone took the yolk from my egg. This is a song I wrote back in 1964 in Lubbock, Texas. Of course. You knew I'd have to throw that one in with old Buzzsaw Sally. Someone took the O from my leg. Someone smeared butter on my leg. Things are going to have to change, I'm afraid. Someone took the O from my leg. Now way down in the chicken yard, you can't find a bucket of lard. Cause one day I laid a big egg. It turned out to be very hard. Now I love my little rooster and my rooster loves me. I'm gonna cherish that chicken neath the green bay tree. My little rooster goes cock-a-doodle-doo. And I love my little hen and my hen, she loves me. Gonna cherish my hen neath the green bay tree. My little hen goes cluck cluck. Little rooster goes cock-a-doodle-doo. And I love my little pig hog and my hog he loves me. I'm gonna cherish that hog neath the green bay tree. Little hen goes cluck cluck. Little rooster goes cock-a-doodle-doo. And I love my little duck and my duckling loves me. I'll cherish my duck neath the green bay tree. My little duck goes quack quack. Little hen goes cluck cluck. Little pig goes mm-mm. Little rooster goes cock-a-doodle-doo. And I love my little guinea, and my guinea loves me. I'm gonna cherish my guinea neath the green bay tree. My little guinea goes potterack. Little duck goes quack quack. Little pig goes mm-mm. Little hen goes cluck cluck. Little rooster goes cock-a-doodle-doo. And I love my little dog, and my dog he loves me. I'm gonna cherish that dog neath the green bay tree. Radio ad hoc 101.1. Little hen goes cluck cluck. Little pig goes mm-mm. Little duck goes quack quack. Little guinea potterack. But my rooster goes cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo.